I don't know your name. Finn. I'm right. There are stories about what happened. The Force. It's true. All of it. Hey, ça, ça tient. Bonsoir. Salut tout le monde. Clément, le pantalon baissé déjà. Ouais. La bonne année. Bienvenue dans ce nouveau numéro hors série de Pourquoi Buffy c'est génial. Un numéro exceptionnel. Totalement exceptionnel. On va parler carrément d'un film. On va commenter un film, les gars. Vous rendez pas compte. N'importe lequel. Pas n'importe lequel. Un film qui fait dresser tout le monde. qui est sorti en toute discrétion. Personne ne l'a vu en plus. Ben non, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait. Vu que personne l'a vu, il faut le défendre un petit peu ce petit film que personne n'a vu. Voilà. Effectivement. Donc on s'attaque carrément à un film, ça j'ai déjà dit. Le film donc qui était le plus attendu de la galaxie et qui est sorti le 16 décembre 2015, Star Wars, le réveil de la Force. Carrément. Il ne s'appelle pas épisode 7, hein, vous avez remarqué? Ouais, moi je l'appelle Star Wars 7. Et non, mais si, mais je pense que c'est une stratégie de Disney. On commence le podcast avant de démarrer, on s'en fout. Où il n'y a plus, la notion d'épisode. Parce qu'ils veulent faire table rase de l'ancien. Là, pour pas que les gens fassent trop le lien. La preuve, ils ont fait un remake. Ça commence. C'est un remake. Ce film est un remake, vous êtes pas au courant? C'est un remake. Est-ce que cette provocation est dans ton conducteur, Sartman? Non, mais dans toutes les pages qui vont suivre. Ah, ouais. D'accord. Oh, bah, ça va. Alors, lançons l'intro. Donc, moi je suis Sartman. Hey! Et je suis accompagné de Riley et Clément. Comment ça va, les gars? Ça va bien. Bah, ça va, sauf que ce soir vous avez pour Boba Fett. Pour le nouvel an, c'est cool. Non, on a dit Clément Skywalker. Clément Skywalker. Ah ouais, j'avais prévu Boba Fett. Bon. Et Riley Finn. Hein, moi, y a pas besoin de changer ton nom. T'es complètement raccord. Riley Solo. Riley Finn, mais c'est Finn. Tu rajoutes de l'aide, c'est Riley Finn. Ouais, non, mais Finn, bon, on y reviendra. Alors, je vous rappelle le principe Jabba, du podcast. Nous mettons le film en lecture et on le commente scène par scène. Nous allons donner des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur cet épisode 7, donc, de Star Wars, à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le film et l'apprécier. À sa juste valeur. Ou pas. Waouh, 2016, Sartman arrive avec des nouvelles blagues. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, Podcloud, Podcast Addict, Mixcloud et plein d'autres sites incroyables, et aussi en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle le site où il y a tous les liens, c'est pourquoibuffycestgenial.wordpress.com, et pour nous envoyer des mails, c'est pourquoibuffycestgenial@gmail.com, tout attaché sans accent. Cool. On est bien, on est content. On est bien. Est-ce que je balance un petit jingle ou juste après. J'ai des petits jingles. On va faire une précision technique. Oui. On va regarder que techniquement, donc pour faire des commentaires audio d'un film qui n'existe pas encore en DVD ni Blu-ray, on va regarder un screener dégueulasse. Voilà. Mais sachez, bravo Sartman. On a la conscience tranquille parce que télécharger c'est mal. Mais nous, on a vu le film plusieurs fois chacun. Ah bah ça va alors. Salle, on a payé nos places et on n'est pas là pour commenter un screener dégueu. On est là pour essayer de retranscrire à travers ce screener qui va nous servir de ça nous a de base. C'est pour appuyer notre conversation. On va essayer de retranscrire ce qu'on a pensé pendant qu'on voyait le film en salle. Parce que je vous le rappelle pour ceux qui sont pas au courant, allez voir les films en salle. Mais c'est oui. Mille fois mieux. Ah oh, oui. Surtout celui-là. Pour avoir vu le screener tout à l'heure, c'était horrible. Non, allez le voir en salle, vous kifferez encore plus ou pas, parce que peut-être que vous n'allez pas aimer. Hein, et même plus largement, allez au cinéma. Même s'il n'y a pas toujours des trucs. Le réveil de la Force, faut qu'ils arrêtent le podcast. Alors, et ils vont voir le réveil de la Force tout de suite. Hein. Tout à fait. Mets-le ça. Enfin, qu'on va quoi? Je sais pas. Avec les gens, que les gens. On va pas spoiler les films. Que les gens, c'est ça. Bon, que les gens qui n'ont pas. Ça me paraît évident. C'est rigolo. Mais non, mais laisse-moi finir. Que les gens qui n'ont pas vu le film. Éteignez tout de suite. On va commenter tout le film qui dure 2h15, ça va être très long. Et donc, bien sûr, on va spoiler dès le début. On va spoiler. Donc, allez voir le film dans une salle. Il passe forcément à côté de chez vous, même encore aujourd'hui. Après, vous venez nous écouter. Je vais tout de suite balancer un petit jingle parce que ça fait plaisir. Bébé vite les bruits là. Le sommaire, c'est tout. Le sommaire, de quoi on va parler? C'est des virgules. C'est tout pourri. Des virgules. Je t'emmerde. De quoi on va parler? Le sommaire, on va parler de Star Wars, donc du coup. Ah. On va parler de remake, parce que c'est un remake. Ah, ou une sorte de reboot. C'est non, non, non, alors ça ne commence pas avec des phrases toutes faites comme ça, non, c'est un remake, point. Tu vois, non, tu peux pas le dire réveil, ça. Le réveil de la force est un remake d'un nouvel espoir. Et il enchaîne, et tu vois, il persiste ici. C'est mon avis, c'est mon avis, et je le défendrai. On va parler de suite aussi, parce que c'est normalement aussi une suite. Mais c'est une suite. Et on va parler de plein de choses, des personnages, de l'univers attendu, de ce qu'est être fan d'une saga comme Star Wars. Et tout de suite, un nouveau jingle. Allez, c'est parti. Petite présentation de la saga par Clément Skywalker. Clément, c'est quoi Star Wars ? Explique-nous. Ah non, mais ça, t'as pas dit qu'on allait dire ça. Ah comment tu veux ? Alors, En deux mots, une saga intergalactique, quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma. Star Wars, c'est la quête initiatique de Luke Skywalker, qui s'avère être le fils de Dark Vador, le grand méchant de cet univers. C'est communément ce qu'on appelle communément un space opéra, et c'est la meilleure trilogie du cinéma. Ah bah non, du coup voilà, c'est compliqué. Non. Et donc là, ce soir, on va parler de l'épisode 7, donc qui vient de sortir, réalisé par Jean-Jacques Abrams. Riley, c'est qui Jean-Jacques ? J.J. Abrams, c'est d'abord un showrunner de télévision. Il a créé Felicity, la série Felicity. Série Felicity avec Kerry Russell. Rien et après, vaisseaux spatiaux alors. Non, qui se passait au lycée et à l'université, je crois. Et après, il a fait Alias, excellente série d'espionnage. Ouais. Si, c'est excellent. Il a aussi co-créé Lost et tout un tas d'autres séries derrière. Et il a, du coup, il est passé au cinéma avec notamment Mission Impossible 3, Super 8, son film hommage à Spielberg, un peu qui n'était pas super génial. Pas super. Il a fait Star Trek et il a été appelé pour réaliser Star Wars. Donc lui-même est un énorme fan de Star Wars. Hein. C'est un peu un rêve de gosse, j'imagine, pour lui de réaliser. C'était lui ou moi, donc je suis un peu mauvaise, je vous cache pas. Non, mais on verra, c'est peut-être plus un producteur showrunner qu'un vrai réalisateur. Un peu comme finalement George Lucas pouvait l'être. Finalement, c'est plus un créateur producteur qu'un réalisateur. Ouais. Alors la bonne idée, avant qu'on ait vu le film, il y avait eu une première bonne nouvelle, c'était d'avoir le nom du scénariste de cet épisode. Donc ils ont choisi Laurence Kasdan, scénariste emblématique de la première saga, vu qu'il a écrit L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi aussi, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc voilà, gros CV le monsieur. Il y a aussi Silverado, Bodyguard et plein d'autres films. Donc rien que par ce nom, on avait une nouvelle preuve que Disney voulait un retour aux sources. On va en parler régulièrement pendant les commentaires de ce film. Ils cherchent vraiment à faire avec cet épisode 7 la nostalgie à mort, La nostalgie et redonner aux spectateurs ce qui a fait la force des premiers films, et pas du tout pas chercher à faire de nouvelles choses. Ce qui était une mission impossible. Parce que ouais, ce que les prélogies avaient raté, où ils avaient réussi à se mettre à dos les fans de Star Wars. Parce que la prélogie voulait faire quelque chose de nouveau. C'était pas le but de la prélogie. Ce qui est dommage. Ça partait du bon intention. Voilà, mais surtout que les films étaient ratés en plus. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi Michael Arndt au scénario. C'est lui qui a créé la première version, je crois. Voilà, oui, avant qu'ils appellent. Il y en avait un qui était plus orienté apparemment sur l'histoire du sabre de Luke. Donc Michael, à qui on doit Little Miss Sunshine, Toy Story 3, Hunger Games, Embrasement, des choses comme ça. C'est donc premier épisode. Ouais, gros CV. Toy Story 3, c'est cool. Le premier épisode d'une nouvelle trilogie. Alors ça, c'est important de le dire. Il y aura un épisode 8 et 9 pour ceux qui sont pas au courant. Et c'est là que les problèmes commencent. un des points faibles de ce film, je trouve. Parce qu'on commande des séries d'habitude. Donc on parle d'un épisode d'une série. Mais là, ça se voit trop. C'est vraiment le premier épisode d'une trilogie. Il y a beaucoup d'arches qui sont mises en place dans cet épisode et dont on aura la conclusion vraisemblablement que dans les épisodes 8 et 9. Bah pour moi, c'est un premier point négatif. Vous en avez pensé quoi, vous de... Ah bah non, justement, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est un premier épisode d'une nouvelle trilogie. Oui, vous êtes d'accord. Donc non, le film ne se suffit pas à lui-même. Non, le film se suffit pas lui-même. Donc alors que un nouvel espoir pouvait se suffire à lui-même. Exactement, voilà. C'est vrai. Voilà. Retour à le futur, ça suffit à lui. Non, mais là, Lucas, il a conçu le Star Wars parce qu'il avait la certitude de pas. Enfin, la certitude, il était pas sûr de faire les autres. Ouais. Du coup, là, Gigi, il est complètement serein, donc il s'en fout. Peut-être que si Lucas avait eu la certitude de faire sa trilogie comme il l'avait pensé, il aurait pas fait il aurait pas fait un bon film. Ah non, mais on sait avec peut-être les exemples de dernièrement que George Lucas, si on lui met pas des barrières, il fait n'importe quoi. Oui, c'est très bien raconté d'ailleurs dans le bouquin de Rafik Djoumi sur George Lucas. C'est passionnant. Alors, il s'appelle comment ce bouquin? L'homme derrière le mythe. Ouais, c'est ça. D'accord. Pour ceux qui sur la, ouais, c'est une biographie sur de George Lucas, c'est la création de Star Wars, c'est passionnant. Et il s'est raconté justement comment son entourage coaché. Ouais, et rapidement, avant de commencer, on l'a évoqué vite fait. Vous avez pensé quoi de ce film, Riley? T'en as pensé quoi en deux mots? J'ai trouvé ça bien, mais pas top. Voilà. Voilà ma critique. Clément Skywalker, t'en as pensé quoi? Ah, je me dis un peu pareil. Voilà, donc je vais pas en rajouter. Moi, j'ai trouvé que c'est un très bon remake de Star Wars. Alors attends, pardon, parce que je veux juste préciser un truc. Je pense que ça va devenir hype de dire c'est un remake, ce que tout le monde dit. Non, je suis d'accord. Alors, il y a bonne raison de penser ça. Par contre, on va se calmer deux secondes sur le terme remake, qui est quand même super fort, quoi. Je veux dire comme c'est terme. C'est un remake. Mais je vais expliquer. C'est important ce que tu dis. Pourquoi c'est une des raisons aussi pourquoi on fait ce numéro spécial, ce podcast. On a entendu plein de choses sur ce film. Dans les premiers jours, tout le monde est c'est le meilleur film du monde, c'est génial, c'est le meilleur de la saga. Ouais. On a beaucoup entendu ça. Après, on a eu une petite élite journalistique qui s'est sentie obligée de dire que c'était de la merde. Comme de bien donc, entendu. Donc moi, j'ai envie de donner mon avis. On en parle vachement entre nous. Voilà, aussi. Voilà. Et donc, on a envie de donner notre avis et de dire ce qu'on en pense. Comme, à mon avis, beaucoup de fans, même tout le monde a son avis. C'est un peu comme le foot, Star Wars. C'est un peu comme l'équipe de France de foot. Tout le monde a son avis, tout le monde a sa théorie. Ah bon. Bien sûr. Ah bon. Et il y a des débats. Tu n'es pas la sextape Chewbacca. J'étais en train de réfléchir. T'as foutu sextape, maintenant c'est parti. Bref, je voulais qu'on fasse ce numéro pour essayer d'expliquer notre avis. Notre avis, c'est que c'est pas un film de merde, c'est que c'est pas le meilleur des Star Wars, c'est juste un peu des deux, et on va essayer d'expliquer pourquoi. C'est ce qu'on voulait dire. Voilà, que la force soit avec nous. Donc on en a pour 2h15, les gars. Vous on êtes a prêts? Jamais fait ça. Je vais aller pisser. On est chaud. On va peut-être pisser, manger un peu de pizza. Donc tout de suite, un jingle pour vous faire patienter, et tout de suite après, on attaque. 2h15 de film. Attention, c'est parti. Dark side. A Jedi. They're real. The Force. It's calling to you. Just let it in. Let it in. Bon, c'est parti les boys, on est prêts? On est carrément prêts. Attention, je lance le film. Clément Skywalker est au taquet. Clément est à fond. Alors attention, je me mets à la bonne page de mon conducteur quand même. Voilà. Attention. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Taupe, c'est parti. Putain les gars, on va voir la suite du Retour du Jedi. Je sais pas si vous vous rendez compte. On l'a déjà vu. A long time ago. A galaxy far, far, far away. Donc ça n'a pas changé. Et là, ça fait plaisir quand même. C'est parti. Voilà, 30 ans après. C'est bon, hein, ouais. C'est bon ça. C'était le meilleur moment du film. Commencez pas les sarcasmes. Attendez, là, le film commence. Voilà. Luke Skywalker a disparu. Donc grosse claque. Moi, pour info, j'étais avec Clément quand il a découvert ça. Il a frétillé. Ouais. Tu l'as senti dans ce film. Physiquement, il s'est passé quelque chose. Mais attends, mais j'ai senti. En plus, tu peux pas dire donc, le réveil de la Force. Tout le monde a ressenti ça. Quoi qu'on en dise. La puis dans les séances. Enfin, je sais pas comment vous avez vu le film. Moi, je l'ai vu aussi la première fois que j'ai vu, c'était une séance du mercredi. On l'a pas vu comme ça sur avec des fans et tout, et ça gueulait tout le temps. Quand on a vu Faucon, ça gueulait. Ouais. Quand on a vu Han Solo, ça gueulait tout. C'était génial. Ça fait partie aussi du charme de ces films où il y a beaucoup de fans et tout, et les gens s'expriment pendant le film. Ça fait plaisir. Sont conquises d'avance aussi. Enfin. Et c'est ça aussi, oui, bien sûr. Donc il y a gueule. Et donc là, il y a un texte qui déroule, hein, qui nous explique que, on revient à zéro en fait. On a l'impression de remise à zéro. À la fin du Retour du Jedi, tout va bien. Et là, on a l'impression que c'est re la merde d'un coup, qu'il s'est placé plein de choses nulles. D'ailleurs, ça peut être déstabilisé. Luke a disparu. Voilà. Moi, sans explication. Et même le premier ordre, voilà, les cendres de l'Empire. Bon, ça, c'est un peu pas bien. Hein, on est d'accord, ça peut pas bien. On met ça, fait la même chose. C'est un peu pas bien. On met ça dans la case bof. On est d'accord. faire de la recherche de Luke le but de ce premier film, c'est quand même cool. Ouais. Bah pourquoi? Bah c'est une bonne idée. Bah moi j'aurais préféré voir pourquoi il disparaît. Qu'est-ce qui le pousse à disparaître? Attendez, alors un truc qu'on va mettre au clair tout de suite, c'est le premier épisode d'une trilogie. OK. Voilà. Donc ouais, mais voilà, ça va. Attends, il y a le vaisseau d'Albator qui arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Non, alors moi je trouve chapeau à Gigi qui a tenté un truc avec cette apparition qu'on attendait évidemment, et je trouve qu'il s'en est sorti intelligemment en faisant cette prise de vue. Donc c'est long, le vaisseau long, là qui apparaît, qui cache la lune, qui cache la lumière, hein, c'est ça. Le premier ordre est en train de recouvrir la lumière que la République essaye de mettre en place, hein, c'est ça. Ouais, c'est un peu l'idée. Là, là ils ont un petit problème de Stormtroopers. Voilà, les nouveaux Stormtroopers qui ont la classe. Ils ont été redesignés, ouais. Bah ouais, 2015 mon gars. Ouais. Mais ouais. Ils sont bien, ils sont bien. Par contre, ils ont pas de coups. Je sais pas, c'est bizarre. Hop là, la première star du film. La star du film, on va dire. Il est resté. Hein. Un bon personnage. Pardon, je fais du bruit avec ma barbe. Je me gratte en même temps. Il y avait du bruit de barbe. Je me touche la barbe sexuellement en regardant Star Wars. Donc là, on est dans l'attente d'un vieux. Alors, Max von Sydow, donc. Donc voilà. Et donc déjà, moi, je vous explique ma théorie, c'est que c'est un remake de l'épisode 4. Et donc, je vais vous prouver ça au fur et à mesure du film. Et donc là, ça commence tout de suite avec un vieux qui donne une clé USB à un mec. Pour pas que le premier ordre ne tombe dessus, et cette clé contient un plan, une carte, enfin bref, c'est pareil comme que dans l'épisode 4. Tout à fait. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Ouais. Et donc ça va finir dans un droïde que tout le monde veut rattraper, et le droïde va réunir des gens qui n'avaient pas prévu de se rencontrer. Donc lui, c'est le mec avec la veste là, c'est Poe Dameron, hein, c'est ça? Poe Dameron. C'est ça, la princesse Leia de ce film. C'est un des nouveaux héros, donc Oscar Isaac, hein, qui est un bon acteur quand même. Et ouais, Oscar Isaac, on en parle souvent. Oscar Isaac, il est génial, c'est un putain de bon acteur. Moi que j'avais découvert dans le très très bon, l'excellent Sucker Punch, que tout le monde n'aime pas, je sais. C'est nul. Il a joué juste après dans WE de Madonna, avec dans lequel le film il retrouvait Abby Cornish de Sucker Punch. Un très bon film aussi. Madonna fait des films et parfois des bons. C'est étonnant. Et il était ouf dans les deux. Et sinon, il a aussi joué dans Drive, dans Ex Machina. Elle est dans le film de Farquhar Cohen, Inside Llewyn Davis. Mais il est génial, celui-là. Et dans la dernière série de David Simon, Héros. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est notre héros, mais j'ai pas vu. Donc voilà, un super bon acteur. Et là, bon. Parce qu'il était un excellent pilote. Hein. Il se présente direct comme étant le meilleur pilote de la galaxie, tout simplement. Bon, il va se faire défoncer son X-Wing assez rapidement. Et son rôle est pas terrible, on peut le dire tout de suite. Un pot, là, dans ce film, il est pas. Il a un peu moisi, ce personnage. Hein. C'est bizarre. Ouais. Enfin... Ça va être mieux dans les prochains, j'espère. Qu'on va développer un peu ce personnage. Parce qu'ils sont un peu. Comme s'il y avait. Ils ont le. Luke est partagé entre trois personnages, finalement, un peu dans ce. Entre deux, surtout entre Finn et Rey. Et un peu dans le côté pilote de Luke, c'est représenté par. Rey est une super pilote. C'est pas le côté pilote. Elle est moins pilote que Poe et a participé. Mais carrément, le pilote, il est présenté comme juste ça. Juste le Faucon Millenium. Non, mais c'est malin parce que il ne représente pas Luke en tant que pilote, il représente les pilotes. Le Rogue Squadron, c'est un truc génial qu'il faut absolument développer. Donc il y a un pilote dans le trio de héros. Et bah ça passe quoi. Et c'est bien. Non, mais t'as raison. Et c'est bien que pour une fois, le héros soit pas le pilote génial, que ce soit un autre mec qui devient le meilleur pilote, ça c'est cool. Même s'il risque d'avoir un rôle vachement important quand même dans la. Suite. Ah bah oui, je vous dis, c'est la princesse Leia de cette attends, je vous dis. Donc là, il donne des plans. Un droïde. Un peu la Leia. C'est vrai. On a noté aussi qu'il y avait Max von Sydow dans ce premier c'est plan. C'est à noter quand même. Et, qui joue un vieux Jedi, du coup. Max von Sydow, qui joue Lor San Tekka. Max von Sydow, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas la chance de connaître, c'est Le Septième Sceau, L'Exorciste, Flash Gordon, Dune, Minority Report et un milliard d'autres films incroyables. Un très grand Max von Sydow. La marque pour bien qu'on vous. Alors ça, oui. Ça c'est pour. Ah, oui, ça c'est génial. Ouais. On l'identifie direct. Et voilà. Y a pas beaucoup de très bonnes idées cinématographiques dans ce film, mais là, la marque en est une très très bonne. Ça le personnalise tout de suite, quoi. Ça le caractérise. C'est exactement. Et donc, des CD, ceux-là qui se comment ressemblent tous. Un Stormtrooper, et pour le retrouver, on lui met le sang de son pote qui est en train de mourir, lui marque son casque de son sang. Il est marqué, il est identifié. Maintenant, il va se démarquer des autres. Il prend conscience qu'il est dans le mauvais camp aussi. Et cette marque, donc, déjà nous permet à nous spectateurs de visualiser ce mec au milieu des autres, de voir que lui il est pas comme les autres, et cette marque surtout est le symbole de sa différence. Il ne veut pas avoir du sang sur les mains ou sur le casque, et on comprendra un peu par la suite que ces mecs qui ne sont pas des clones, hein, c'est des mecs qui sont conditionnés apparemment, programmés pour être méchants. Priorité au direct, c'est Kylo Ren. Ah, Kylo Ren vient d'arriver, priorité au direct. le méchant de Réveil de la Force. Bah, qui va buter Max von Sydow carrément. Tu spoil, ouais. Allez, ouais. Il va le démonter. Je rappelle que les gens qui nous écoutent ont déjà vu le film. Ouais, c'est vrai. Enfin, j'espère pour eux, en tout cas. Oui, oui, si vous n'avez pas vu le film, donc, arrêtez tout de suite. Le perso de Max von Sydow, on l'a jamais vu avant. C'est, il n'est pas dans l'univers. Au début, je crois que c'était un vieux chef rebelle, un vieux général. Et en fait, c'est ce qui est sous-entendu, quoi. C'est sous-entendu, mais bon. On sait pas qui c'est. On va savoir qui c'est. Par contre, il connaît, bah, Kylo Ren, il connaît la vraie identité de Kylo Ren. Il fait une référence à son passé, donc ce mec, il est lié au Skywalker. Tout le monde cherche Luke Skywalker, même Kylo Ren. Et puis au-delà de ça, ouais, j'ai l'impression qu'il fait un peu la. Il faut un vieux, quoi. Dans chaque trilogie, il faut un vieux. dans une grotte, ouais, ou dans une tente. C'était Alec Guinness dans la non, première. Non, c'est pas ça. C'était le comte Dooku, Christopher Lee dans la prélogie. Ouais. Bah là, il faut un vieux, quoi. Ouh, il a un sabre laser. C'est la sagesse. Ça, c'est cool. Un nouveau pouvoir de la force qu'on connaissait pas, l'immobilisation, et des franchement ça passe. C'est ça cool, passe carrément. Ouais, c'est pas mal, il s'immobilisait pas avant. Visuellement, c'est sympa ça. Carrément. Là, le laser est puissant. Il est contré dans la force, il peut s'échapper à tout moment. Enfin, je sais pas, non, c'est bien joué. Donc et là, c'est Leia qui est amenée devant Dark Vador. Hein. Exactement. Bah oui. Ça où sont pas. Les plans ouais. C'est un peu ça. Sauf que là, il vanne avec le coup du masque et le fait qu'il se. Voilà, il se moque de l'image un peu de Dark Vador, qui était quand même un peu comique. Des fois, on peut le dire. Et là, par contre, j'aurais juste une petite précision sur Kylo Ren, qui est un personnage quand même fascinant. Il déchire les. Quoi, tu te marres ? Parce que j'arrive pas à en placer une. Ah, mais je t'avais dit, il faut pas faire un conducteur quand il y a Star Wars. Clément Skywalker n'arrête pas de parler, c'est génial. J'adore. Mais je te l'avais dit, il fallait pas faire de conducteur. Bref, et sa voix est. Bon, Captain Phasma, allez, on revient. On arrive sur Captain Phasma, le personnage le plus sous-exploité du film. Le plus survendu. Et c'est super dommage, du coup. Allez, coupé au montage, hein, il paraît. Donc là, on va assister à une exaction carrément impitoyable du Premier Ordre, et ce qui est pas mal, parce qu'ils nous sont affichés tout de suite comme des fascistes, ce que les Stormtroopers n'étaient pas, à moins de. Voilà, enfin, on les voyait jamais tuer des civils ou et ça, tuer oncle et tante. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est une des réussites du Star Wars de 77. Une des réussites des Star Wars de 77, c'était de reprendre l'imagerie des films de guerre, et notamment les références à la Seconde Guerre mondiale, intégrer dans une aventure spatiale. C'était ce qui avait beaucoup marqué les gens en 77. Et là, le film, elle refait pareil. Et parce que j'ai pas eu le temps de le noter, mais l'attaque du village fait carrément référence à un débarquement militaire sur les plages de Normandie. Là, le mec au lance-flamme, on dirait les nazis, on dirait des troupes SS qui attaquent un village et qui butent tout le monde. C'est clairement ça. Et donc, c'est aussi une nouvelle référence à l'ancienne trilogie et à ce qui a fait la force de la trilogie qui a commencé en 77. Voilà. Donc là, BB-8 perdu dans le désert. Ah, un droïde perdu dans Transition le désert. Transition à la Star Wars, ça c'est cool. Il a gardé ça quand même. Il fallait garder ça. Bah oui, c'était obligé. Le nouveau Star Destroyer. Bon, donc. Moi, je me suis demandé quand même d'où vient l'argent du Premier Ordre, vu que l'Empire n'existe plus. Voir, comment ils ont pu monter cette. Mais voilà, mais j'attends d'avoir la réponse parce que c'est dit qu'ils avaient des grosses subventions de la région. La région Bretagne, notamment, on le verra tout à l'heure. On le verra. Donc on est dans le nouveau Star Destroyer. Pour le coup, l'aspect visuel a été modernisé juste comme il faut. Voilà, on sent l'influence de tout en gardant, ouais, carrément, tout en gardant le truc de l'Empire, quoi. Et ça c'est cool. Justement, après c'est un autre débat, le visage du Stormtrooper. Le Premier Ordre. Et voilà. Et donc Finn qui s'appelle pas encore Finn, qui s'appelle seulement FN 2187 2187. Il y a une petite référence avec ce nom. On sait que 2187 c'était aussi le numéro de cellule de Leia dans l'épisode 4. Ah oui. On savait pas. Donc c'est une référence à ça. Et apparemment, alors ça je suis moins sûr, c'était aussi l'année à laquelle se déroule l'action du film THX 1138 de George Lucas. Ah oui, son premier film, dans lequel, pareil, on a un mec dans un régime un peu moitié fasciste où tout le monde est pareil, ça, qui va à la recherche de sa liberté, qui va s'extraire de ce tous pareil, comme le fait Finn. Mais c'est carrément pas impossible, vu que dans l'Empire contre-attaque, il y a des vaisseaux qui s'appellent Rogue 11 et 38. Enfin, tu vois, il y a une référence à. Et là, priorité au direct, on est tout de suite passé à Rey. On est comme dans une série télé, il y a plusieurs persos. Alors comment on suivait quand même Luke, quoi. Et aussi, il y avait un raccord, donc un raccord entre Finn qui remet son masque et on découvre Rey dans le plan de juste après avec son masque. Ouais. Il y a une transition incroyable et on passe d'un masque à l'autre. Les masques sont une thématique très importante dans Star Wars et encore plus dans celui-là. Les personnages qui cachent leur véritable identité derrière leur masque, leur masque qui ne les représente pas du tout, mais qui finit par les définir malgré eux, comme Dark Vador ou Kylo Ren. Et Rey et Finn, eux, vont réussir à s'extraire de leur masque, Finn en l'enlevant, Rey, elle le fait tout de suite, elle enlève ses lunettes et tout, et ils vont découvrir leur réelle personnalité. Elle descend en luge la nuit. Là, je me suis dit, c'est couillu comme idée, mais avec ça marche. Avec ça m'a pas dérangé parce que. L'épave du vaisseau, c'est. Ouais, génial. Toute cette scène est quand même vachement cool et, ouais, ouais, et pour le coup, ouais. Voilà, c'est crédible ce moyen de se, de se déplacer. Quoi. Et la musique, la musique est magnifique, là, la musique de John Williams sur ce moment-là. Tout à fait, on est sur Tatooine. Bah, c'est le meilleur. On est carrément sur Tatooine. Là, je te donne de l'eau à ton moulin. C'est pas Tatooine, c'est Jakku. C'est Jakku. Pourquoi ils ont pas pris Tatooine? Et bah. J'ai réfléchi à ça, abuser, j'ai oublié, voilà, je crois que c'est ça. Faut pas abuser. Ouais, elle est en moto alors que lui était en voiture. Bon. Et c'est un planeur, la couleur est un peu la même. Oui, c'est sûr que. Il y a une aile de chasseur T à côté. Et Ray à ce moment-là, elle n'est pas encore dans la bande-annonce, c'est ce qui est génial, où elle passe devant le départ là. Voilà, dans les débris de la guerre civile. La bataille de Jakku. C'est très bien. C'est donc très c'est bien. Ça, ouais, donc c'est là, ouais, au milieu de ces carcasses. Les vestiges. De vaisseaux. Elle fouille une fouilleuse de décharge, elle est qu'une scavenger pour l'instant, elle s'appelle pas encore Ray, enfin on sait pas qu'elle s'appelle Ray. Et l'actrice, donc on n'a pas parlé de l'actrice qui joue Ray, s'appelle Daisy Ridley. C'est la révélation de ce film pour moi. C'est une nana, elle est extraordinaire. Mais elle a rien fait avant. Ouais. Elle nous joue un personnage à la fois naïf et sûr d'elle, mystérieux et franche, forte et fragile. Enfin, je pourrais vous faire toute la liste. Elle le fait super bien et c'est elle a un vrai bon personnage. Elle joue bien. Et en plus, il y a plein de promesses pour la suite, quoi. Donc, on a c'est la vraie héroïne de la trilogie. C'est voilà. Et pour le coup, ça marche, quoi. On l'adore. On avait beaucoup critiqué Luke Skywalker. Est-ce que Luke est le vrai héros de Star Wars, tout ça, parce qu'on n'arrive pas à avoir de l'empathie pour ce mec Pour Mark Hamill. Rare, ça marche super bien. Elle est magnifique. Et donc, Simon Pegg, ouais. Voilà, le gars qui file des portions à Ray, c'est Simon Pegg, donc on reconnaît pas. Il a changé, hein, ouais. La vodka, ça n'a pas réussi. Deux mots sur Simon Pegg pour ceux qui sont pas au courant de qui Pegg. C'est. Simon Pegg, acteur, scénariste, Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Et voilà. Plein d'autres films. Et Mission Impossible. Star Trek, justement, avec. Là, une figurine d'un pilote rebelle. Ouais. Là, c'est figurine dans sa chambre, comme nous. En fait, tous les persos sont fans de la première trilogie Star Wars. Et Rey, voilà. Rey, la première, est une fan de Star Wars. Fan des rebelles. Voilà. Et alors, ça va très très vite, j'ai plein de choses à dire, mais elle se fait une bonne soupe. À l'image de Luke, là, qui sur Tatooine dans l'épisode 4, a une vie de merde dans un désert pourri, et ben là, c'est pareil, elle aussi, on se rend compte qu'elle a une vie pas terrible, elle fait que travailler. Et quoi de mieux pour nous présenter un personnage que de le voir manger? Alors là, Luke, c'était on le voyait manger avec son oncle et sa tante. Tout à fait. Elle mange toute seule. Et ben, sauf qu'elle mange toute seule. À la différence de Luke, elle n'a pas de. Elle vit dans un vaisseau. Voilà, elle n'a pas de famille. C'est quel vaisseau ça, Clément? Elle vit dans un AT-AT, un truc à quatre pattes là. Ah, vous êtes bon. Et ça c'est cool quand même, le casque, le plan est cool aussi. Et voilà, elle est. Elle est à fond sur les rebelles, elle est fan. Elle est seule et elle vit dans les ruines des vieilles batailles stellaires, comme si elle était née des ruines de Star Wars. Vous comprenez exactement la phrase? Bah ouais. C'est une enfant de Star Wars. Non, refais-la. Rey, c'est une enfant de Star Wars. Et ça, c'est une petite parabole méta, il y en aura régulièrement dans le film. Le film est à fond là-dessus. Et c'est très cool. Fan service, méta et tout. Ouais. Parce que Kylo Ren est clairement lui fan de Dark Vador à mort. Bah oui, il collectionne des trucs chez lui et tout. il s'habille pareil, il fait du cosplay. Alors juste, il y a un truc que j'ai pas le temps de noter, c'est qu'à un moment donné, quand on la voit tirer son filet, il y a un plan où elle passe à côté d'un énorme bestiau qui traîne aussi un filet. Ouais. Et ça, c'est intéressant de nous montrer que cette petite nana, pas très carrée, elle tout vit ça, au milieu de ces monstres-là. Ouais. Et surtout, elle arrive à faire pareil que ces énormes mecs. Faut pas se fier aux apparences, c'est toute la philosophie de Jedi et tout. Faut pas se fier aux apparences. Cette petite nana, elle arrive à tirer pareil, à faire le même taf. Que le gros bestiau qui visait à côté. Enfin, ça c'est un plan il y a quelques temps. Là, elle vient de délivrer BB-8 qui était pris au piège par une espèce de par des Jawas. Par un Jawa, exactement. C'était pas un Jawa. Arrêtez les gars, non. C'est exactement. Non, c'était pareil. Non, mais c'est exactement comme. Mais ne dites pas prise par un Jawa. Mais si, parce que un Jawa, du coup, c'est une nouvelle race. Mais à ce moment-là, on a ellipsé la scène où BB-8 se fait capturer par cette petite créature qui se déplace sur un énorme truc comme les Jawas, parce que cette scène. On l'a déjà dans l'épisode 4, voilà, en fait. Mais d'accord, mais c'est quand ça les arrange. Quand c'est précisé. C'est pour ça qu'il y a Starkiller. Mais donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il joue aussi avec l'épisode 4. On va pas non plus refaire des scènes que les gens connaissent déjà, quoi. Mais ça, par contre, c'est un quand vrai problème. C'est le comble du truc, quoi. Pour le coup. C'est un vrai problème. L'affiliation, enfin, le lien direct avec le Seigneur du 4 est problématique parce que. On a l'impression de voir la même histoire. Bah non, parce que c'est un bon remake. Pour un remake, c'est très bien. Oui. C'est la même histoire, bah oui, ça arrive. C'est quand même dommage. C'est dommage. Après, on aurait voulu un peu plus d'originalité, quoi, de différence. Ouais, ça c'est sûr. Même si les personnages sont cool, que bon, l'histoire en soi est pas mauvaise. C'est juste, pourquoi c'est la même chose, quoi. Bébé, hein, c'est cool. Bah ouais, non, mais je sais pas répondre à cette question en fait. Alors, j'attends de voir les autres épisodes. Bébé ou là, R2-D2, c'est lequel le mieux? R2-D2. Bah ouais, quand même. Et donc là, à l'inverse de ce qu'on vient de dire, là on a une scène qui avait été ellipsée dans l'épisode 4 et qu'on voit un peu plus quand la princesse se fait torturer. Vous vous rappelez de ce plan où sa cellule se ferme, ouais, au moment où il y a une machine et tout. Et là, on va en voir un peu plus. On va voir Po se faire un peu torturer par Kylo Ren. Se faire torturer l'esprit. Kylo Ren qui commence la scène en disant confortable. Ça va, on est bien. Je sais pas. Ah, ouais, un truc du style, est-ce que t'es. Et ça, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, il fait de l'humour. Ouais. Ça, il fait de l'humour à la manière de. Voilà. Et je pense que c'est un indice pour savoir qui, de qui il vient, quelle est sa filiation. Attends, tu t'es dit ça? Exactement. Bah, les yeux dans les yeux, Sartman. Quand tu l'as revu. Parce que tu sais, il y a le vieux Max von Sydow qui dit au début, moi je sais que vous n'êtes pas Kylo Ren. Donc à ce moment-là, le spectateur, il se demande qui c'est. Il sait que c'est un gars qu'on connaît ou le fils de quelqu'un qu'on connaît. Et à ce moment-là, quand j'ai vu cette vanne, je me suis dit, ah, c'est le fils. Et en plus, je connais un peu ce qui se passe derrière. Il blague comme Chewbacca, tu t'es dit. Je me suis dit, ah, si c'était le fils d'Han Solo, ça c'est le fils de Chewbacca. C'est une piste. Et je trouve ça cool que juste ce mot, comfortable, je crois qu'il dit, ou un truc comme ça, ça soit un indice sur son identité. Je trouve ça très très bien. Malgré que ce soit un gros méchant, hein, tout ça, c'est juste un mot dans tout ce qu'il dit. C'est un salaud, le gars, mais voilà, c'est juste un mot marrant. Et donc là, on est de retour sur Tatooine. sur Jakku. Sur Jakku. Avec R2 de. Donc on a vu aussi Jakku et Rey. Il y avait une sorte de. Comme dans le Nouvel Espoir, hein, il y avait une sorte d'amiral aussi du Premier Ordre. C'est ça, amiral Tarkan. Non, mais attendez. Non, on va arrêter. C'est pas Tarkan qui s'appelle ? Mais si. Tarkin. Et là, c'est joué par un jeune dont j'ai oublié le nom. Lui, t'as pas oublié. il commence à marcher, cet acteur, je sais plus son nom. Oui, il y a des chances. Et là, on voit une grosse différence entre Luke et Rey. Ça va te plaire, Clément Skywalker. Je dis qu'il y a des différences. Luke voulait à tout prix quitter Tatooine. Il ne voulait que se barrer, découvrir l'univers, tout ça. Rey, on comprend qu'elle veut rester, finalement. Elle attend sa famille. Je sais plus si on va l'apprendre tout de suite ou après. Non, c'est après. Oui. Mais on comprend pourquoi elle veut rester. Pourquoi au début elle veut pas de BB-8 dans ses pattes. C'est une meuf qui est toute seule. Elle a fait le choix de garder BB-8. Et là, voilà, c'est un premier truc, première ouverture. Ah bon, bah, je vais garder BB-8. C'est là où le film bascule dans un truc irréaliste. Ah ben bah, parce que oui, si elle file BB-8. Ah, Simon Pegg, il n'y a plus de film. C'est terminé. Voilà. Pourquoi pas, non? Parce que du coup, ça aurait été différent. Il serait allé comme chez Jabba s'occuper de lui et tout. Mais non, parce qu'ils auraient tout de suite pris le plan et ils auraient trouvé. Ils auraient pas su. Vous avez vu le méchant qui est sur Toki Walki? Dans ce film, les méchants communiquent par Toki Walki tout le temps. Dès qu'il se passe un truc, t'as vu, il y a un truc escalier machin. Et ça, c'est un problème, je trouve. C'est bien. Alors, c'était Michael Giacchino, le Stormtrooper, je vous le précise. Ah non, c'est pas lui. Là c'est FN. Là c'est FN, mais. C'est pas James Bond là ouais. Ah non, c'est Finn. John Boyega. Ah putain, c'est pas lui. Bon acteur, hein, qui j'ai vu Attack the Block avec John Boyega là. Ah ouais, John Boyega. Il est bien, il est bien. Qui joue Finn, hein, on est d'accord. Ouais. Qui joue Finn, ouais. Mais il s'appelle pas encore Finn. Non, il va se faire baptiser par Po dans quelques instants. Bientôt. Donc tu as vu Attack the Block dans le film? Oui, c'est le héros de Attack the Block, c'est une sorte de la horde de Yannick Dahan, vous avez vu? Oui. Mais avec des aliens et en mieux quand même. Mais c'est cool, hein, le film est très cool. Ça va plus loin et ils assument plus finalement. Et d'ailleurs, pour revenir à film, vous avez vu quand il a eu son casque et qu'il dit à l'autre, faut se barrer de ça, ça vous a pas rappelé, lui, je suis Luke Skywalker, je viens pour vous sauver. Si, c'est bien sûr. Mais ça, à la rigueur, c'était. Comme ça, mec. Oui, comme dans un remake, effectivement. Mais faut pas non plus tout axer de remake s'il y a un truc qui est logique. Un TIE Fighter, il rentre dans un TIE Fighter. Sartman, t'entends? Bah oui. C'est obligé. Bah oui. Non, mais je maintiens que ce film est un très très beau remake. Je ne sais pas piloter. Putain, il est chiant. Et donc là. Là, on a le faucon qui quitte Tatooine TIE Fighter qui quitte la base et donc ils vont se faire attaquer parce qu'ils ont pas le droit de partir, donc il y a les Stormtroopers qui vont leur tirer dessus. Oui, mais là regarde, c'est attaché. Ah, c'est General Hux. Ouais. C'est mal ça. Ouais, non, il y a des trucs cool là, le fait qu'ils soient attachés. Ils sont attachés, on s'y attendait pas, on pensait qu'ils allaient partir comme des fleurs et rien du tout. Donc la baston à coup de blaster. Finn est en train de sauver la princesse Po de la base stellaire. Hein. Moi je pense que dans l'épisode 9, on va apprendre qu'ils sont frères et sœurs tous les deux. Ouais, c'est un peu les deux qui sauvent, hein, parce que c'est Po qui pilote quand même. C'est Po qui pilote et oui, c'est un chasseur-tie biplace. Bon, pourquoi pas. Et ça, c'est cool, tu sais, que que je trouve Poe il soit content de piloter un chasseur TIE parce que dans l'univers Star Wars, lui aussi est fan des pilotes. Ouais, puis les TIE Fighters ont cette réputation d'aller très très vite, plus vite que les chasseurs. Il rêve du coup d'en piloter. Et du coup, il est super content d'en piloter. Je trouve ça assez cool. Ouais. Donc là, on a Finn qui va faire son apprentissage de tout. Il va apprendre à tirer. C'est son baptême dans tous les sens du terme. Son baptême de l'air, son baptême du feu. Poe le baptise aussi, comme tu le disais, Riley. Il lui donne un nom et il va l'appeler Finn, qui devient maintenant son nouveau nom. Il en a fini de son identité de FN. Mais c'était pas une identité, justement. C'était un numéro. Voilà, je ne suis pas un numéro. Et il devient une personne à part entière. Il devient Finn. Il n'est plus un soldat. Et ça, c'est beau. Et donc, comme Rey, comment s'appelle Oscar Poe veut retourner sur Jakku. Hein, tout le monde veut aller sur Jakku, la fripouille. Retrouver BB-8. Jakku, la fripouille. Et ils vont le répéter souvent, ça va être une différence entre souvent les personnages. Il y a ceux qui veulent se barrer, ceux qui veulent rester, ceux qui... Voilà. Et ça va être une des différences entre... Enfin, pour l'instant, dans le TIE Fighter, c'est la différence entre Finn et Poe. Il y en a qui veulent se barrer, d'autres qui veulent pas. Mais bon, ils vont utiliser les canaux ventraux, hein, les fameux canaux ventraux. À ce moment-là du film, on se dit encore que peut-être c'est juste le début qui ressemble à Nouvel Espoir. C'est vrai, hein. Là, on se dit que c'est le plan avec Kylo Ren et Hux derrière, on se dit que c'est un hommage. Ça fait beaucoup dommage quand même. On peut y croire, on est encore à 20 minutes de film, hein, puisque ça va être tout le film c'est vraiment. Mais ça me dérange pas plus que ça. Il fallait que l'imagerie soit ultra présente tout le long du film, pas qu'au début. Ok, scénaristiquement, je parle pas de l'imagerie, mais je parle juste du fait que c'est les mêmes éléments, les mêmes événements qui se passent. Après, ce qui est cool, c'est qu'ils ont pas, il y a pas eu de trop, je trouve, de répliques clin d'œil. Ce qu'on appelle souvent le fan service dans les suites. Il va y avoir après un peu. Ouais, mais il y en aura pas tant que ça, je trouve. Il y en a malgré tout. Oui, mais c'est du fan service plus subtil, je trouve. C'est du fan service comme on le dit là, c'est visuel, dans la musique, dans la construction, dans les personnages. Mais c'est pas bourrin comme de te sortir une réplique pour sortir la réplique, hein, t'as vu, avec le gros clin d'œil de l'acteur qui va bien. Je trouve qu'il y a pas comme dans Evil Dead, la série, par exemple. Comme dans Evil Dead, comme dans c'est dommage. Les Terminators, comme dans ces choses-là, comme dans Jurassic Park, voilà. Jurassic World. Je trouve que là, il y en a bientôt plus, mais de manière plus subtile, peut-être. Alors là, Finn s'est écrasé sur le sol, dans le désert, hein, dans un désert. Voilà. Ah oui, c'est les Jakku, donc forcément. Bah ouais, sur le désert de Jakku. Parce qu'il y a des mains qui passent dans l'écran, mais en fait, c'est parce qu'on regarde un screener, pardon. Ah, la qualité est super. Donc Poe, notre meilleur pilote de l'univers. Là, on croit qu'il est mort. Et finalement un gland, hein, parce qu'il s'est craché avec le TIE Fighter dans mais le sol. Mais il s'en fait tirer dessus, arrête, t'es connu. Et ça, c'est nul, parce qu'à la fin, il justifie. Ah bah non, je m'en suis sorti. Ça, c'est mal fait. Par contre, ce qui est bien, c'est que. Ils ont coupé une grosse scène, c'est obligé. Il a craché le TIE Fighter dans un sable mouvant, les sables mouvants qui étaient évoqués par Rey juste avant, dans une scène juste avant. Ça vraiment pas de chance. Non, mais ça, c'est bien écrit. C'est bien vu. Bien joué, Larry. Bien joué, Larry Kazan. Ou alors, peut-être, c'est une idée de Michael Hart. Non, ça c'est bien, donc c'est Larry. C'est pas JJ. C'est pas une impro de John Boyega. De Boyega? Ça explose carrément. Ah oui, il a pas pu improviser, ça explose. Mais si, comme ça, Poe est mort, quoi, c'est sûr. Et puis surtout, oui, il a plus de taille, il a plus rien. Il doit faire table rase de son passé. Et c'est ce qu'il va faire en. Là, le en plan, notant le son plan, armure. Le plan est cool. C'est une super idée, moi. C'est une très bonne idée. Ouais, ça, c'est cool. Ouais. Et voilà, comme petit le petit poussé. Le petit poussé. Il sème son armure. D'ailleurs, je l'ai trouvé un peu con parce que. Non, le plan est sympa. Il serait vite. Ça, c'est tourné dans quel pays déjà? En même temps, avec ses traces. À Abu Dhabi, le désert. Abu Dhabi, ouais, c'est ça. Ils ont pas poussé le vice à aller en Tunisie. Ah bah non, c'est Tatooine la Tunisie. Ah oui, celle-là, ça n'a rien à voir. Jakku. Faut bien qu'on est sur Jakku. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Tu crois que c'est pareil. Toi, il y a des trucs là. Des vaporateurs d'humidité. Voilà, il n'y avait pas du tout ça dans Tatooine. Bon, la brute est crue. Peut-être qu'il y en a dans tout terrain désertique. L'errance du héros. Ouais, je me rappelle qu'il y avait ça dans le jeu Super NES de Star Wars. Au moment donné, t'étais sur Super le Star Lance Speeder et t'avais des trucs. Des sortes de taupes qu'il fallait éviter. Mais non, il fallait Super Star Wars. Ah oui, bah oui, tu pouvais le retirer dessus. Ça, c'était cool. Et donc, voilà. Finn Gans, arrive à Mos Eisley. On apprend qu'ils ont un leader, Kylo Ren et Hux. Le suprême leader, Sarpan. Snoke. Le tyran. Ah oui, il parle de Snoke, Supreme Leader. Supreme Leader. Mais il vient d'en parler, mec. Il va pas être content quoi, si on trouve pas le droïde. Surtout que je suis un peu le Supreme Leader de ce podcast. C'est ça, bah oui. Et nous, on est ex et Kylo Ren, quoi. On va savoir qui est qui. Ouais, c'est pas facile. Mais là, le rapport hiérarchique entre Kylo Ren et les officiers, ça pouvait pas être autrement qu'un peu, un peu poussif, tu vois. On a envie d'y croire, mais en fait, non, parce que parce ça que peut pas être mieux que Dark Vador. Dans Nouvel Espoir, Tarkin, c'est clairement le chef de Dark Vador. Hein, ah oui, oui, mais c'est pas le cas ici. Bah non, ils sont au même niveau là, et on va le voir. Ils après sont un peu en concurrence, moi je pense que c'est ça là. Ah oui, parce qu'à la fin, l'autre il dit ouais, Kylo Ren il voulait pas faire comme ça, monsieur. Ouais. C'est là que Snoke est malin, c'est qu'il met ses officiers en concurrence. La force contre les militaires. Comme dans une vraie équipe de foot, finalement. Non, puis. Il met en concurrence le mec qui le côté obscur, la force et le gars militaire qui a le pouvoir militaire, c'est intéressant. Donc là, Finn arrive, il cherche de l'eau, hein. Mais il n'y a pas moyen. Le village il est tout petit, hein, il est vraiment cheapos par rapport. C'est un marché, c'est pas un village. Comme dans Buffy, hein, je vous rappelle qu'on fait un podcast. C'est un village, c'est quoi? C'est un marché. Je rappelle qu'on fait un podcast sur Buffy normalement. Et dans Buffy, on dit souvent, pour ceux qui nous connaissent pas, il y a peut-être des gens qui disent good. Oui, tout à fait. Normalement, on commente des épisodes de Buffy comme ça. Et on parle souvent, on explique souvent que dans Buffy, la vie c'est chiant. La vraie vie c'est dur. Bah oui. C'est dur. Et là, Finn est en train de le découvrir. Finn il découvre que dans la vraie vie, quand tu veux boire, bah, faut partager la pataugeoire avec un monstre dégueulasse. Et. C'est un marché au milieu du désert, c'est ça que tu dis? C'est pas ça t'a choqué pas ça que ça soit non, un marché. Mais oui, mais non mais c'est une bonne remarque, mais ça a l'air d'être un marché vu qu'ils sont là pour faire du commerce. Parce que je repense à Nouvel Espoir forcément où on a une vraie ville et tout ça. Ouais, ouais, mais c'est pas le cas. Et sinon au bout d'un moment c'est un remake mais un remake différent. Au bout d'un moment les gens se trois pots et des tentes quoi. Bah enfin, oui, voilà. Ils n'avaient pas aussi une petite prod, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Là, c'est pas mal. Ouais, la réaction de Ray est un peu exagérée, mais c'est assez marrant parce que du coup, lui identifie ça comme une menace. Alors que non, ouais, c'est juste rattraper. Mais pourquoi elle fait la gueule comme ça? Si, parce que BB-8 lui a dit c'est un voleur. Bah, oui. Hein, si, elle veut vraiment le buter. Hein. Et là, leur rencontre se commence par un coup de bâton. Je trouve ça bien. on sait qu'il va y avoir une romance entre les deux. Hein, c'est un coup de foudre. Voilà, c'est un coup de bâton, un coup de foudre. Enfin, quoi que ce soit, c'est violent. C'est voilà. Et il va y avoir en plus par la suite, parce que là ils vont se faire attaquer forcément. Il va y avoir tout un jeu sur je prends ma main, lâche ma main. Mais ça c'est génial. Ça c'est très très bon. Ça c'est une bonne idée aussi ça, du ouais. dans cette scène là. Et ça remet typique du J.J. Abrams. Hein. Et il met ça dans Alias. Ah. Et ça remet aussi la thématique du chevalier qui sauve la princesse un peu dans sa modernité d'aujourd'hui. Bien sûr. Là c'est donc. Comment il s'appelle Finn, lui, bon, bah, il débarque de sa cambrousse, là, de son. Il a été élevé par des fachos. Hein. Clairement, ouais. Il pense que c'est à lui, l'homme, d'aider la faible femme. Et donc, il veut prendre la main de Rey et l'aider. Rey, l'indépendante, à l'inverse, la solitaire, ne veut pas de sa main. Et ils trouveront finalement un terrain d'entente à la fin de la scène où c'est Rey qui proposera sa main à Finn. Parce que Finn. Juste avant, on lui a demandé si elle allait bien et que ça, personne lui a jamais fait. Elle l'évoquera plus tard. Et Finn acceptera cette main sans problème, car parce que lui, il s'en fout. Enfin, merde, on s'en fout. Mais... qui donne la main à qui? Ce qui compte, c'est qu'on soit deux, quoi. Évidemment. Voilà. Vive l'amour. Et c'est une très belle scène au milieu d'une poursuite, d'une attaque de TIE Fighter et tout. C'est des jolies idées. C'est des jolies idées de cinéma et c'est cool. C'est très joli. Donc ils viennent de dire que Luke Skywalker et les Jedi c'était un mythe pour les personnages. Non, c'est peut-être moins une légende. C'est une légende. En fait. C'est un peu un ado. Pour... C'est un ado que forgé. Mais alors, c'est censé se passer 30 ans après. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et comment ça, en 30 enfin, ans, 20 ans, non. En 30 ans, ça devient une légende déjà. Je trouve que c'est peu de temps pour. Bah, c'est un Jedi. Tout a disparu juste après le retour du Jedi. Mais non, mais les notions de temps n'ont pas été prises à ce point. Ça, c'est le gros défaut du film. C'est qu'on nous ellipse plein de choses qui se sont passées pour. Au final, avoir une situation initiale qui correspond à la situation initiale de l'épisode 4, ouais, et ce n'est pas une suite. Ce film n'est pas une suite. C'est en ça qu'il est, ouais. Il est très dommage. C'est censé être une suite. Et c'est pas du tout une suite. Ça, c'est dommage. Là, pour le coup, si, par contre. Mais c'est pas du tout une suite. C'est une suite. Mais c'est pas une Luke Skywalker est devenu ce qu'il est. On quitte Luke en espèce de maître Jedi incontesté. Il est plus là, pas il s'est barré. Pas du tout, Starkman, pas du tout. On quitte. Anne et Leia en tant que couple heureux et tout, ils sont pas du tout ensemble. C'est normal. On quitte une république qui fête la fin de l'Empire et qui va se recréer, se reformer. C'est pas du tout le cas. C'est évoqué, la république existe. Il y a un First Order. C'est un First Order qui a mainmise sur l'univers. Non, le parallèle avec l'épisode 4 est encore plus visible ici parce que l'histoire se passe pas au centre de la galaxie finalement. Là, on est sur des planètes éloignées. On serait sur la bordure extérieure. Exactement. Voilà, on est loin de. de l'intrigue politique. On est loin de l'intrigue politique qui se trame au sein du Sénat, qui est devenu, qui est revenu le Sénat, j'imagine. Et le First Order, il s'est pas dit, c'est jamais dit qu'ils conquièrent tout l'univers. Justement, c'est un bout de l'univers, les frontières. C'est une milice. C'est un groupe qui commence à se développer. Bah, je sais pas, et les résistants, quand même, on a l'impression qu'ils en chient un petit peu à combattre le First Order. C'est un autre problème aussi. Et c'est un peu dommage. C'est une menace, c'est une menace. Bim! Priotoniac, le faucon. Alors là, voilà. Alors, tu peux appeler ça fan service, tu peux appeler ça comme tu veux. Ça, c'était génial. Qu'est-ce que c'est cool. Non, mais je veux dire, Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs qui sont géniaux, c'est tout. Dans ma séance, moi, je suis allé le voir le mercredi avec ma séance de gros fan. C'est le moment où ça a plus gueulé et applaudi dans la salle. Le faucon, s'y attendait pas. Il est là, bim! Enfin, si, on s'attendait à l'avoir. On savait pas quand. Et là, il est super bien amené et c'est cool. Et ça, c'est du fanservice bien fait. Ensuite, on a une bataille. Vous allez voir une bataille assez magistrale, cool, aérienne, extrêmement bien foutue entre les héritiers de Luke, pas dans l'espace, Anne et Leia, qui jouent avec les jouets de leurs parents. C'est exactement ça. Oui. On a comme nous, on jouait avec nos jouets Star Wars de fans de la saga depuis qu'on était gamin. C'est super jouissif de les voir et l'identification fonctionne super bien. Elle marche à un maximum et on a Finn et Rey qui utilise ce jouet là. Ah, ce faucon qui essaie à peine de faire démarrer, c'est génial. Et comme faucon quoi. Personne ne sait conduire. Comme si on avait retrouvé, c'est un vieux faucon miniature dans un carton, dans un grenier. C'est exactement ça ce qui se passe là devant nos yeux. C'est ça, même tel qui a piqué le vaisseau de. Et c'est ça. Et c'est une des volontés du film, c'est de faire plaisir aux gamins d'aujourd'hui, alors donnant des trucs fun, mais aussi aux gamins qu'on était nous dans les années 70-80. Avec l'utilisation du faucon comme Madeleine de Proust, et là ça marche super bien, je trouve. Et c'est là que je me dis qu'il aurait presque fallu n'y avoir que des objets venant référent, de la première trilogie et oublier les personnages. Parce qu'avec le faucon, avec Carl de D2, avec des choses comme ça, ça marche super bien. Avec un solo, R2D2, avec les personnages, c'est pas un objet. R2D2, mais je trouve que d'ailleurs R2D2 dans ce film là ça marche pas. Là il a un objet, c'est un objet dans ce film. Il se réveille, c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est pour ça, dans ce film c'est un objet. Ouais, mais c'est nul, c'est un personnage. Enfin, en tout cas, l'utilisation du faucon, thématiquement, comment utiliser le faucon dans cet épisode, ça, c'est bien. Je trouve ça magnifique. Et là, cette scène est super bien faite. Ça fait, il y a clin d'œil, et en même temps c'est super nouveau parce qu'ils sont pas dans l'espace, ils rasent les dunes. C'est ce qu'aurait dû être tout. C'est magistral. Ouais. Ce qui est bien foutu, c'est le côté vieillot de l'engin. On sent quand même que déjà dans l'épisode 4, c'était un, comme il dit Luke Skywalker, a piece of junk, un tas de ferraille. Bon bah oui. Et là, j'imagine qu'il doit être encore pire. Et la façon dont Finn se débrouille avec les lasers, tu sais, les canons, on sent que c'est rouillé, que ça marche pas bien, c'est une vieille machine. Galère, ouais. Et ça c'est bien foutu parce que l'erreur était de faire du Faucon Millennium un truc cool. Cette scène est cool. Tu vois, regarde, tous ces plans sont magiques quoi. Ouais, bref, voilà. Non, c'est super plan, c'est bien fait, c'est cool. Elle prend des risques. Ray défonce, voilà. Non, cool. Bien. Ah oui, ils ont repris le même truc pour. Bah, ils ont rien changé finalement du faucon. Bah non, le faucon n'a pas changé lui. Hein. Une chose changée. D'ailleurs, on va le voir plus tard avec les chiquiers et tout ça, ils réutilisent tous les trucs. C'est ce que je disais, il faut absolument pas que le truc change dans le faucon. Ces plans sont chouettes quoi, franchement, elle est cool cette scène, elle est très très cool. Et aussi, ça donne un truc. Moi perso, pendant très longtemps, quand je regardais les Star Wars, j'arrivais pas trop à visualiser où se trouvaient les canons, les tourelles qu'utilisaient. Bah, c'est bizarre, mais ils sont sur le dos en fait. Bah ouais. Mais c'est filmé de façon, films, c'est pas très clair. Non, on croit qu'ils sont assis verticalement quoi. C'est bizarre. Ouais. C'est pas super clair. Et là c'est très clair. Ouais. Là on en apprend plus. Pour ceux on apprend plus qui éventuellement. Enfin ouais. Si, parce que quand tu fais de Star Wars, tu te documentes, voilà, t'as des plans du faucon, t'as des choses, tu sais où se trouvent les choses. Mais pour des gens qui sont pas trop au courant, là t'as des infos que t'avais pas dans les premiers films. On savait que ça tirait pas en dessous, enfin qu'il. Oui, mais non. Mais sur le. Pas force. C'était pas très clair. C'était pas clair. T'avais pas des plans. Ouais, tu voyais le canon du faucon. Dans l'Empire contre-attaque quand ils sont dans l'astéroïde là avec le. Non, tu vois pas la tourelle. Ah ouais. Non. La tourelle. Les moments où ils utilisent la tourelle, c'est seulement dans le 4 et c'est jamais très très clair comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ces plans-là, les plans qu'on voit là. Ça c'est cool. C'est magique quoi. Qui sont obligés de. Là, au moment où il rase le sol après avoir buté les TIE Fighters, il frotte un bout de carcasse. Vous avez pas vu, hein? Non. Moi, je l'ai vu au bout de la troisième fois. Et c'est quoi? Il frotte et il y a une petite étincelle, et il y a un bruit, il y a un petit son, un tout petit son, et voilà. C'est un détail. Non, mais c'est cool. Un petit son de quoi? Un petit son de quoi? Un petit son de j'ai frotté la carcasse. Ça fait un petit truc comme ça. Ah, d'accord, ouais. Enfin, forcément. D'accord, mais c'est cool. Donc, je croyais que t'allais me sortir un œuf. Bien fait, c'est un fameux œuf de Pâques, mais. C'est pas ça, c'est que les deux premières fois que j'avais vu, j'avais pas vu qu'il rasait le truc. Et qu'il touchait. Mais le son est. Enfin, oui. Bref, du coup. Cette scène était géniale. Voilà, ça vient. Pourquoi c'est on va dire plein de méchanceté sur ce film, mais sachez que cette scène était très bien. cette scène était vraiment cool. Si vous n'êtes pas sûr, réécoutez. Et donc là, on est dans le faucon. Et donc Ray dit qu'elle s'appelle Ray et Finn dit qu'il s'appelle Finn. Je suis. Merci. Alors, j'ai demandé à Jean-Jacques. Les sous-titres du screener sont parfaits. Mais il le regarde pas. Mais surtout, ça fait pas du mal. J'ai demandé à Jean-Jacques si ces deux noms c'était une référence à Riley Finn, hein, bien sûr. Le personnage. Sur un jeu de lettres, ça fait Riley Finn. Exactement. Et il m'a dit, bien évidemment, voilà, certains. Joss Whedon et Jean-Jacques. Jean-Jacques Abrahams est un grand fan de Buffy et il met des références à la série dans tous ses films. Ouais. Voilà, et donc là, Riley Finn, il a pris son perso préféré, il me semble. C'est ça, exactement. De Buffy, quoi. Exactement. Excellent choix. Il y a une nouvelle scène très cool. Il y a Kylo Ren qui est un peu colère. Il est pas content. Là, on va avoir une caractérisation de Kylo Ren qui est aussi important que Rey, finalement. Je crois qu'on le voit autant que Rey, non? Ben, c'est des personnages miroirs. À chaque étape, c'est les deux personnages principaux. Ouais, à chaque étape du développement de Rey correspond juste après une scène avec Kylo Ren et qui développe aussi là, son personnage. C'est cool, on croit qu'il allait se faire tuer ce pauvre lieutenant là, mais en fait, pas du tout. Kylo Ren, en fait, Kylo Ren, sa façon d'exprimer sa colère, c'est comme un ado, quoi. Un peu comme un ado. Et c'est clairement ce qu'il est finalement. Bah oui, c'est excellent. C'est dans ce premier film. Qui nous montre en plus que Kylo Ren se démarque un peu de son ancêtre Dark Vador, dans le sens où il est beaucoup plus sanguin, beaucoup plus colérique que Papy Dark, parce qu'il est plus jeune Papy aussi. Papy Dark. Il se rapproche aussi un peu plus de Anakin version épisode 3. C'est-à-dire qu'il connaît Rey. Et il y a un autre détail marrant qu'on n'a pas noté tout à l'heure, c'est que dans la scène. Non mais non, ça j'avais déjà dit en fait. Donc on peut enchaîner tout de suite. Kylo Ren, quand il étrangle son lieutenant, il dit quelle fille a trouvé le droïde. Et ça sous-entend que on voit Rey. Ça sous-entend qu'il sait. J'ai pas vu ça comme ça. Il dit quelle fille. Tu crois pas? Il dit quelle fille. Il veut savoir une fille quoi. Genre une fille. Non mais j'ai pas. Bah, c'est pas évident qu'il la connaisse. C'est obligé qu'il la connaisse. Pourquoi il la connaît? On va voir à la fin. Il se connaît. C'est sa cousine. Mais non mais. Exactement. Il lui a dit c'est une fille qui s'est barrée. L'autre dit ah bon quelle fille. Enfin tu vois c'est pas. Moi je le sens mais la façon dont il dit c'est plus quelle fille sur Jakku il y a qu'une seule fille qui peut être dangereuse. C'est qui dit what a girl et bim le plan d'après c'est un gros plan de Rey. On a compris. Ça c'est cool, c'est marrant ça. Bah ça c'est de la série quoi. Et donc tant qu'on est à extrapoler sur les origines des gens, allons-y clairement. Là on a une nana avec Rey chez qui la force est très très présente, qui pilote super bien et qui son est douée midi-chlorien est assez élevé quoi. Et qui est douée pour la mécanique, elle est forte donc là on peut pas s'empêcher de noter des ressemblances avec Luke Skywalker et aussi avec son papa Anakin Skywalker, le papa de Luke, hein. Maintenant à savoir si Rey serait la fille de Luke, hommage à Lost là. Ou sa nièce, bon, il y a un hommage à Lost. Bon, bien sûr, il répare un vaisseau avec du scotch, comme dans Lost, dans la saison 6, il répare l'avion avec du scotch. C'est à la vrai. Voilà. C'est vrai. Mais comme. Il y a du scotch qui existe pour si les. Si t'écoutais l'apéro du capitaine. Exactement. Je sais, j'ai entendu. Tu saurais qu'il y a du scotch, a du scotch qui répare les avions. Ouais. Avec lequel il répare des ailes d'avion. Ouais. T'es content de le savoir. Tu vois un mec, avant que ton avion décolle, tu vois un mec qui met du scotch sur l'avion. Parce qu'il y a un trou comme. Mais moi, où je. Eh ben, c'est du scotch en avion, c'est bien, c'est bien. Moi, j'étais en train de vous dire que ma théorie, c'est que Rey serait la fille de Luke Skywalker. Attention. Oui, c'est ce que t'as semblé dire. Ouais. Mais alors après, est-ce que c'est physiquement, génétiquement sa fille ou c'est juste une fille symbolique? On ne sait pas. Mais il y a plein de signes qui sont là pour nous montrer. Puis on le saura pas. Une filiation. Bah, c'est clair. Au moins symbolique, avec très très forte. Avec Luke surtout, avec Luke énormément avec Luke. Quoi. Et aussi, il y a aussi une théorie qui circule sur les internets là, comme quoi ce serait la petite fille d'Obi-Wan Kennedy. Kennedy. Qui est décédé à Dallas. À Dallas, à 60 ans. Ça sera raconté sur un spin-off ça. Obi-Wan Kennedy, petite fille d'Obi-Wan Kennedy. Et pourquoi mais vous y croyez ou pas? Mais Obi-Wan Kennedy, il a pas de vie sexuelle, hein, Obi-Wan Kennedy. Bah oui, mais Luke Skywalker non plus, alors tu veux parler. Alors si, on va peut-être apprendre que Luke Skywalker. Mais il est pas censé en avoir, et donc pourquoi pas Obi-Wan? Ouais. Il a pu avoir une amourette. C'est dans un comic. Là, forcément, on est dans le faucon et on veut se cacher dans le sol. Donc, qu'est-ce que fait? Et voilà, impression de Han Solo. Han Solo, je mais oui, alors là, on kiffe. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais ça fait bien plaisir. Bah si, ça fait plaisir. Comment tu veux les voir sur les toilettes? C'est vrai que l'apparition est un petit peu. Il arrive. Je suis Han Solo. Je prends la pose. Je suis là. Je suis avec Chewbacca. Et Harrison Ford. Chewbacca qui s'est un peu coupé les cheveux. Ouais, il a une nouvelle coupe. Alors, c'est le même acteur qui fait Chewbacca ou pas? C'est le même acteur que Peter. Comment il s'appelle? C'est le même acteur qui fait Harrison Ford ou quoi? Oui, c'est lui. J'en ai même peur. Regarde, ils ont les masques de l'Empire Contre-Attaque, ils ont mis les masques. Donc là, la logique est respectée. Ils sont dans le faucon, ils se cachent dans le sol, donc comme dans l'épisode 4, bien sûr. Et comme si Rey et Finn étaient des fans de Star Wars, jouant à Star Wars. Hein, vous avez bien compris ce que je développe tout à l'heure. Quoi. Bah oui, non, ils sont tous fans. Voilà. Et donc là, voilà, Chewie et Han Solo sont arrivés. Et ça va pas être juste des caméos. Eux, ils vont rester comme étant des persos du film, quoi. Ça, c'est bien. T'en parlais, Clément Skywalker, tout à l'heure, là. Le faucon, il est vraiment dégueu, mais encore plus que tout, quoi. limite, on serait dedans, on n'oserait pas toucher les murs, quoi. Et c'était un des points forts de, un autre point fort d'épisode du film de 77. C'est ce qu'on appelle le used space. L'espace usé, l'espace utilisé qu'a servi. On avait donc pas un Enterprise tout brillant, hein, comme dans Star Trek par exemple. On avait des vaisseaux dégueux, de mecs fauchés qui fonctionnaient qu'une fois sur deux. Et on avait. Il y en avait perdu ce use paste dans la prélogie, hein, avec il y avait les fastes de la République, il y avait des vaisseaux très très brillants, réfléchissants, tout ça, ouais, c'était ouais. Un peu étrange. Nickel chrome. un donc peu trop. Ouais. Le fait d'avoir de nouveau ces décors et ces accessoires dégueulasses qui semblent avoir vécu, c'est encore une autre preuve que l'histoire est là pour marquer un retour aux sources de la saga. Bah oui, complètement. Tout à fait. Ça se détériore. Et rien de mieux que Han Solo pour faire un retour aux sources de la saga, à mon avis. Ouais, voilà, il est là, pas c'est juste Han Solo, quoi. Ouais. Qui a pris un coup, quand même. Alors, je sais pas si on doit bien juger les qualités du jeu d'acteur de Harrison Ford sur ce film, parce que je l'ai trouvé un peu limité. Il est un peu enrouillé, quoi. Il a carte blanche, tu fais comme d'habitude. Et la nostalgie fonctionne parce qu'on veut qu'elle fonctionne. On l'adore. Moi, je retrouve pas, moi, Han Solo. Non plus. C'est ce que je dis. Moi, je vois Harrison Ford, mais je vois pas Han Solo. Voilà, mais. Et puis là, quand il court, il fait. C'est vraiment. Non, mais là, il était doublé, là. Quand il court, c'est du doublé. Bah, c'est là où il s'est cassé la gueule, là. C'est quand il courait dans un couloir. Il s'est pété le. Bah, c'est dans le faucon qu'il s'est pété la jambe. Ça vient de là, je crois, d'accord. Sur le tournage de Sarbaz, il s'était pété la jambe. Je savais qu'il y a eu un accident, mais. D'accord. C'est dommage pour un prochain. Alors, ils ont annoncé un prochain encore avec lui. Faut pas qu'il joue dedans. Enfin, il passe le relais, quand même. Qu'il soit juste au début, quoi. Bonjour. Il entraîne un. Et il a chié à la bœuf faire. Non, pas chié à la bœuf. Mais chié à la bœuf, génial. Non, ils vont pas mettre chié à la bœuf. Ils vont mettre Chris Pratt. Mais non, mais arrêtez, Chris c'est Pratt. C'est une rumeur. Il y a que lui qui. Chié à la bœuf, mais laissez chié à la bœuf. C'est son fils. Bah, il peut pas avoir d'autres fils. Il est nul, chié à la bœuf. Bah, je présente le fan club de chié à la bœuf. Il a un autre fils. Ah, t'es président du fan club. J'adore ce mec. Et de Sucker Punch aussi. Bah, t'as vu ses dernières vidéos. T'as vu la rétrospective de chié à la bœuf. Il a adoré ce carpet. Il a fait un marathon sur sa propre personne. Il est très bon, il est très bon. On peut parler de chez la veuf pendant un quart d'heure si tu veux, parce que cette partie sera un peu gênante. C'est une séquence un peu cartoonesque, choses, avec des gens qui courent dans des couloirs, poursuivis par des trucs avec des tentacules. Avec des personnages ridicules. Ça n'a pas trop d'intérêt. Le seul petit intérêt qu'on peut y voir, c'est que ça permet à Han Solo de sortir la réplique culte de tous les Star Wars. I have a bad feeling about this, qui est sorti par à chaque fois un personnage. Parfois différent sauf que là, dans c'est tous du... les films. Ouais. C'est du gâchis total. Dans le 4, deux fois ils le disent. Oui, mais c'est Han et Luke qui le disent. Mmh. Voilà. Mais après, dans tous les autres films, c'est dit. Et bon, bah voilà, là c'est dit aussi. Et la séquence est pas terrible. Ça, c'est vraiment bizarre cette scène. En, plus, en même temps, c'est un retour au serial, c'est un retour au. Voilà, vieux, c'est vieux ça. Ils ont voulu faire un truc à la. Mais je pense que ça peut être que ça. Ouais, parce ouais. Que sinon, c'est vraiment naze. Avec de l'humour, beaucoup d'humour. Et voilà. Et du voilà, mais. Ils voulaient faire une scène d'action humoristique un peu avec, Indiana Jones. Sauf que là, ils ont rien compris à Indiana Jones. Donc, ça, c'est les acteurs du film The Raid, du film thaïlandais, je crois. Ouais, ouais. Ils ont c'est le casting du film The Raid. Ah, ils tournent à côté comme Daniel. Non, ils les ont invités en guest. Mais ils servent à rien. C'est un film d'action thaïlandais. J'ai vu où les mecs se battent dans un immeuble. C'est très très bon film. Très bon film. Donc c'est de Gareth Edwards, je crois, le réalisateur. Enfin bref, c'est eux là, mais ils servent à rien. C'est voilà. C'est triste. On s'attendait à ce qu'ils se battent et. Donc là, Han Solo, il essaie d'embrouiller, hein, comme ouais, d'hab. Ouais, ouais, genre, je vais. Ça, c'est cool, mercenaire de l'espace. Qu'il est pas du tout évolué à ce niveau-là. Bah, si, mais c'est justement, il aurait dû évoluer, il aurait dû être un peu différent. Bien sûr, c'est Han Solo, quoi, merde. Mais justement, c'est meilleur que ça, moi, Han Solo, autrement que des brouillards, que vantards. Tu vois, je dis pas qu'il peut pas être... se faire, mais là, alors, il pourrait avoir un statut différent, mais être proposer, pareil. Proposez-en. Hein, après, ça va dans la leader ça va des dans rebelles, la... un truc comme ça. Attention, ça va dans la thématique du film. Contrebandier en pas, chef. Il aime pas être capitaine des rebelles. Moi, ce que j'aurais voulu. Contrebandier puissant avec un équipage et tout. Si vous me laissez parler, c'est chaud, t'as vu. C'est chaud. Ce que je veux dire, c'est que Han Solo, 20 ans après, moi, pour moi, il devait être toujours dans la débrouille, mais un peu au-dessus de la mêlée, au-dessus des autres, quoi. Sauf que là, la thématique du film, dans ce film, c'est de dire, c'est les jeunes qui prennent le pouvoir. Kylo Ren, Rey, Finn, tout ça, ils sont en train de dire à Han Solo, ils sont en train de dégage dire le vieux, quoi. À Snoke, ils sont en train de dire à je sais pas qui, à Leia, à tous ces gens-là, dégagez, laissez la place aux jeunes. Et c'est exactement aussi ce que dit cette scène. Enfin, sauf que les jeunes sont. Oh là là, là, c'est triste là. Les jeunes qui il essaye de la faire à l'envers, les deux clans là, Rivo, c'est des beaucoup plus jeunes, c'est des jeunes, hein, des beaucoup plus jeunes que lui. Et c'est pour ça que cette scène a du sens. Parce qu'elle va dans la thématique du film. Mais après, pour moi, ça n'a pas de sens par rapport au personnage. Et puis ces monstres en 3D sont hors sujet par rapport au reste du film, où il n'y a aucun monstre en 3D. Il n'y a rien en 3D dans le film. Enfin, il y a rien. Il y a plein de trucs, mais c'est pas... là, c'est dégueulasse l'effet, quoi. Non, c'est pas dégueulasse. Non, l'effet, il est cool. Non, il sera vieux. L'effet, il sera vieux. Dans 10 ans, il sera vieux. Non, parce qu'ils sont pas. On les voit pas tant que ça. Ils sont pas trop mal filmés. Là, les tentacules. Mais c'est zéro originalité. Le monstre, il est nul. Mais ça passe. Non, ça passe pas. Moi, je trouve que ça passe pas. Pour ce qu'ils Pourquoi on les voit alors que dans le film on voit aucun truc comme ça, quoi. Mais je me suis posé la question, dans l'univers de Star Wars, des battes comme ça, bah c'est crédible. Oui, il y a carrément ce genre de monstre. Et parce qu'on vient de le dire, ils voulaient faire une scène un peu marrante, un peu machin. Voilà, un peu pulp. Un peu pulp, ouais. Ouais. Ils auraient pu s'en passer, franchement. Bah ouais, mais ouais, c'est vrai. Bah ouais. On a envie de voir Han Solo mieux que ça, quoi. Là, ah, et là, Finn est capturé, je crois. Et là, donc c'est là, il faut sortir de cette scène parce qu'on s'ennuie un petit peu, JJ. Donc trouvons un truc, tu vois. Faisons une scène de caméra de sécurité. Elle ça fonctionne toujours. Voilà, ça marche toujours. Elle a une vue sur tout. Ce qui est drôle, elle va avoir de la chance parce que ça va être le bon truc. Ce qui est drôle, c'est que ce film fait un peu faucher parfois. Tu vois cette scène. C'est typo ça. T'es sûr, hein. Bah il y avait un couloir pour faire cette scène. Ouais, mais parce qu'il y a pas besoin de plus non plus. Enfin, tu vois, c'est pas la peine. C'est dommage. Comme tu disais tout à l'heure, le marché sur Jakku. Ouais, c'était typo. Il fait faucher aussi. Mais oui. Tu dis, faucher les gars. Il est passé où le pognon, quoi. C'est bizarre. Il y a pas de ça. C'est Harrison Ford qui a pris un peu cher, quoi. Alors je me rappelle que la fin est tournée en Bretagne, donc. Non mais il fallait aller en Bretagne. Pas dire ça maintenant. En Irlande. Ouais, c'est en Irlande. Ouais. Vous avez vu la vidéo de l'office du tourisme d'Irlande? Ils ont rajouté les images. Si, ouais. L'office du tourisme d'Irlande a fait une vidéo exprès pour montrer à niveau de making of. On peut en parler à la fin. Non, on en parle à la fin, mais c'est génial. Mais la vidéo est cadeau, quoi. Parce que là, on vient d'apprendre que Han Solo n'avait jamais tenu l'arbalète de. C'est nul aussi, on est d'accord. C'est quoi cette histoire? Il découvre l'arbalète qui est là depuis toujours, l'arbalète. C'est super bizarre. On avait très envie de le savoir en plus. C'est très très bizarre. Bah ouais, non, c'est inutile. Ah, c'est... Mais c'est vraiment. Alors voilà, alors là, c'est là où. Ça se trouve, c'est l'idée d'Harrison Ford qui l'a imposé, ça. Peut-être. C'est là où Ray m'agace un petit peu. C'est parce que, comme tu le disais, effectivement, elle a des capacités avec la mécanique et tout. Mais pour le coup, peut-être un peu trop. Dans cette scène, elle apprend à Han Solo comment piloter le truc, enfin, comment réparer le machin. Et ça va continuer après, il arrive à la base de la résistance et je crois elle lui donne encore un conseil de mécanique. Et ça, c'est peut-être pas nécessaire. Bah, c'est clairement une manière de dire t'es à la masse, mec. T'es à la masse, arrête. Non, mais justement, je trouve ça. Mais je trouve ça drôle. Parce que tu vas pas apprendre à Han Solo comment piloter le. Justement, que les jeunes prennent le pouvoir, ça, ok, mais que Han Solo prenne des leçons, non. Il faut savoir se retirer. Mais justement, il veut l'accepter après, il veut lui proposer de piloter avec elle et tout. Donc. Mais une fois ça suffisait. Donc ouais, parce qu'il avait oublié d'appuyer. Regarde, encore un méchant qui communique par téléphone. Par Toki, ouais. Attendez, il y a des mouvements dans l'histoire. Dans la taverne, ça va être encore. Il y en a. Oui, il y en a deux. La cantina. C'est ce qu'on a vu. Mais ça, c'est drôle. Ouais, c'est un peu comédie, ça. Justement, qu'il y ait plusieurs camps qui cherchent le même monstre. L'histoire avance, donc ça ne peut pas être que comique. Alors attention, on arrive sur Starkiller. Et là, donc on a Kylo Ren et X, là qu'on sait pas trop quoi. Général X, ouais. Qui sont en train de ils sont face au Big Boss. De rendre des comptes à leur chef, leur patron, leur patron comment il s'appelle. Le Supreme Snoke. Leader Snoke. C'est une scène marrante, qu'en plus il y a deux twists dans cette scène. Vous allez voir. Le premier, c'est quand on découvre. Déjà, on peut dire qu'il ressemble à Gollum ou à Voldemort un peu. Hein. Mais sinon, tu peux dire ça après que j'ai fini ma phrase. Oui. Non, mais c'est relou. Hein. Et bah c'est nul. Le premier twist. C'est le premier à faire. C'est quand on découvre que Kylo Ren est le fils de Han Solo. Donc ça c'est Snoke qui va le dire. Ouais. Et le deuxième twist, ça va être juste à la fin de la séquence, quand on va voir disparaître Snoke et qu'on comprend que c'était pas un mec super grand sur une chaise. C'était juste un hologramme. C'était juste un hologramme. Après que le mec que ce soit un géant, le méchant, ça aurait été une idée marrante, je trouve. Ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Mais bon, en fait c'était juste un hologramme. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pas géant. Ah là, peut-être, mais à mon avis il est pas géant, enfin sinon ils auraient pas fait ça. Il est sûrement pas. Mais donc voilà, c'était une idée marrante et ça fait deux twists dans la même scène. Et surtout, en plus, ça fait référence à l'Empire contre-attaque, parce que quand Dark Vador parle à l'Empereur, et il faut faire des références à l'Empire contre-attaque, car je le rappelle, c'est le meilleur des Star Wars. Tu voulais nous dire quelque chose sur Gollum, Riley? Non. Ah bon? Parce que c'est Andy Serkis qui joue Snoke, c'est exactement, ça? Exactement, oui. Andy Serkis qui jouait aussi Gollum. Bah, et King Kong. Ah! Il t'habitue au grand. Alors, est-ce que Snoke ressemble à King Kong également ou pas du tout? Non, mais par contre, il ressemble non plus à Dark Plagueis. Alors, oui, des théories. Qui est ce Snoke? Et ben voilà, la théorie qui prime en ce moment, c'est que c'est Dark Plagueis, le maître de Palpatine. Donc, ouais, on le rappelle, dans l'épisode 3, Palpatine, quand il parle avec Anakin, fait référence à un ancien maître qui aurait réussi à combattre la mort et qui aurait tout enseigné à son élève. L'élève l'aurait tué ensuite pour récupérer tout son savoir. Et donc, ce mec serait pas si mort que ça et ce serait Snoke. C'est la théorie qui circule sur les internets. Mais vu qu'il a vaincu la mort, il est immortel, potentiellement. Potentiellement. Bah non, parce qu'il a été tué par Palpatine. Voilà, donc on sait pas trop. Hein. Et il y a aussi d'autres théories. Palpatine peut mentir. Qui est très drôle, c'est que ce serait Dark Vador. Vous avez vu cette théorie où Snoke serait Dark Vador? Les mecs ont mis deux photos l'une à côté de l'autre. Ils se ressemblent. Et c'est vrai qu'à la fin du Retour du Jedi, Dark Vador, il a une entaille sur le haut du crâne quand il enlève son masque. Sartman, tu t'es fait blouser, c'est pour faire du clic. Mais oui, mais il faut le dire quand même, faut informer nos amis. Mais ils sont pas cons. Alors après, oui, il y a peu de chances que ce soit la vraie théorie, mais je trouve ça marrant, cette théorie aussi. Et le fait d'avoir qu'il ait une entaille sur le crâne, ce Snoke, c'est peut-être aussi justement pour aiguiller dans de mauvaises directions les internautes. Tout à fait. C'est pour ça que Dark Plagueis non plus. Parce qu'il y a quand même une scission avec la prélogie, on est d'accord. Il y a une allusion au clone vite fait, mais c'est tout. On parle absolument pas de. Peut-être on en verra un peu plus dans l'épisode 7, 8 et 9. Mais là, on fait table rase de la prélogie, on est d'accord. Enfin, on est d'accord qu'elle a existé, la prélogie. Oui, oui, bien sûr, mais elle est canonique. Dans la stratégie marketing de Disney, on parle plus trop de ces trois épisodes un peu gênants. Voilà, à part Anakin qui déchire auprès des plus jeunes. Oui, mais elle existe. On est d'accord qu'elle existe. Bien sûr, c'est canonique. Oui, là, voilà. Mais pourtant, c'est un remake. Elle existe, mais pourtant, c'est un remake. Un remake dans le même univers. Non, mais depuis tout à l'heure, il joue sur le. Parce que remake, c'est pas rebooter un univers, justement. Arrêtez de faire de la mauvaise foi, vous faites exprès, ça va être chiant. Pas exprès, on cherche. Bon, là, la définition. On est plus du tout dans le direct. Là, on est dans le faucon. Il y a eu une nouvelle histoire de compresseur que Rey a réussi à débrancher. Et voilà, encore une fois. C'était drôle. Alors, Han Solo révèle tout là. Ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient un problème de vocabulaire et ils utilisent deux fois compresseur. Mais bon, c'était drôle, la scène était cool et Daisy et Ridley étaient complètement incroyables. On ne dira jamais assez, ou peut-être si, au bout d'un moment. Et elle se considère encore comme une scavenger. Elle le dit encore dans cette scène, I'm just a scavenger. Voilà, elle n'est pas encore Rey. Je vous dis, il y a beaucoup d'importance dans les personnages, sur leur identité, qui ils sont vraiment. Et là, à ce moment-là, elle se considère encore comme une simple fouilleuse. Elle se considère pas encore comme Rey. Elle va accepter son destin plus tard dans le film. Ce plan est cool. Rey qui semble avoir attendu sa famille sur Jakku très très longtemps. Hein. Et là, on se demande, en voyant cette scène et en voyant tout le film, si elle n'est pas en train de te récompenser de son attente en ce moment, sans s'en rendre compte. Durant tout le film, elle va retrouver enfin sa famille. Mais elle s'y attendait pas. Ça commence par le petit chaton BB-8, hein, le petit animal de compagnie. Ensuite, elle va rencontrer son fiancé, le beau gosse un peu débile, Finn. Et puis ensuite, elle va rencontrer les tontons grincheux, Anne et Chewie, tu sais, qui sont dans le fond de la salle là, quand il y a les dîners de ça. Ensuite, elle va rencontrer la vieille grand-mère un peu perchée. Baz qui raconte n'importe quoi et le cousin taré Kylo Ren avec qui tu passes ton temps à te chamailler tout ça et enfin la tata sympa Leia hein, qui la réconfortera pour arriver à la meilleure partie de sa famille le papa le daddy cool Luke Skywalker Rey elle est à la recherche de sa famille, elle attend sa famille sur Jakku et là elle s'en rend pas compte mais tout son périple lui fait rencontrer sa nouvelle famille, sa future famille. Et donc là, elle arrive sur la planète, je sais plus comment ça s'appelle, la planète de base, on va appeler ça comme ça. La planète de base, ouais, avec une forêt. C'est pas la planète de Jar Jar Binks ? Non, elle est ébahie de ce qu'elle voit, non, parce qu'on est en Islande, on n'est pas sur des fonds verts. Hein. Non. On est sur, même où en Écosse, enfin on est sur des vraies terres. Jar Jar, il vient d'Islande aussi. Rey, elle est ébahie de ce qu'elle voit, et elle est encore divisée, comme je vous le disais à ce moment-là, entre le retour sur Jakku et les prémices d'une envie de découvrir l'univers. Là, bientôt, il y a Han Solo qui va lui faire des propositions et elle sait pas quoi faire, mais elle refuse encore un peu l'appel de l'aventure. Et là, ce que vient de dire Han Solo à Finn, c'est très drôle, sa phrase Woman always figure out the truth. En anglais, c'est pas amélioré. Les femmes découvrent toujours la vérité. Toujours. En plus d'être drôle, parce qu'elle est balancée comme ça, pour le coup, elle est bien faite comme ça, à Finn, elle nous donne en plus des petits indices, je trouve, sur la situation de Han. Oui. À ce moment-là, on se dit, on donc se dit, ça y est, tu l'appelles Han, ça y est. Mais il s'appelle Han, tu oublies tout. Han, ouais, Han Solo. Il s'est toujours appelé Han Solo. Ouais, non, mais oui, mais on en parlait avant de. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça me donne une petite idée. On se dit, ah, peut-être qu'il a fait de la merde avec Leia et que Leia l'a découvert. Voilà. Mais surtout, ah ouais, non, c'est après qu'il le dit. Ouais. Et alors, enfin ce flingue aussi que Han donne à Rey. C'est intéressant de voir parce que tout ce héritage. Le jeu des objets, on va lui filer un flingue. Oui, c'est vrai. Après, on va lui filer un sabre qu'elle va le refuser et c'est Finn qui va hériter de ce sabre qui va finalement retrouver son vrai porteur. Avant de retrouver son vrai porteur, ça va aller dans les mains de Rey pour finalement. Qui est son vrai porteur légitime. Ils ont un peu divisé ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque perso est un peu à un bout de Luke Skywalker, de Han Solo, remix. Quoi. Mais il y a des vraies idées de Sinoche, c'est l'utilisation de ces objets. Et ça c'est intéressant, comme il y a un vrai effort. On lui donne un flingue et sait pas trop quoi en faire, et voilà. Comme elle va refuser son sabre, tout de suite on va dire à Finn, ça va être plus tard dans le film. Finn, t'es un garçon, donc c'est à toi d'être un chevalier de Jedi. Ouais. Et on considère Rey comme pas crédible en chevalier de Jedi. Et donc, c'est pour ça qu'elle hérite d'un flingue. Mais après, voilà, tout le monde va récupérer sa vraie place. Ouais, c'est ça. Enfin, se rendre compte que la vraie Jedi, le vrai héros de ce film. Vous dites rien. Là, on croit avec Gandalf et le retour du roi. Carrément. Le U-Space, ils l'ont fait un peu trop, quoi. Là, on arrive dans une taverne du Moyen-Âge, quoi. Ah ouais, non, c'est d'accord. Ouais. Si, pardon. Ouais. Là, ils vont trop loin. On est. C'est la cantina. Mais c'est pas la cantina médiévale. Mais ça se veut. Bah, mais c'est la même scène que la cantina dont on approche. Des anneaux, là. C'est d'abord. Ah oui, c'est un mélange du Seigneur des Anneaux et de la cantina. Attendez. C'était obligé. Il joue la carte à fond du U-Space, comme tu disais tout à l'heure. C'est obligé. Ouais, mais là, il y a même un feu, regarde. Mais oui, c'est trop. Non, c'est mais bien. On est dans l'espace, c'est quand bien. Même. Non, mais justement, mais non, ce qu'on aime bien dans Star Wars, c'est qu'on est complètement. Attends, le Star Wars, certains disent que c'est Seigneur des Anneaux dans l'espace, tout simplement. Bon, alors du coup, ce que tu dis, tiens la route, parce que c'est conçu comme ça. Mais là, il y a un feu. Mais justement, il y a un feu, mais bien sûr. Mais c'est ça qu'on aime dans Star Wars, c'est quand il y a des trucs. Quand il y a des trucs. Yoda, il vit, il n'y a pas un seul truc électronique autour de lui, et on kiffe. Mais Yoda, c'est un maître de la force. Oui, d'accord, mauvais exemple. Alors, là, eux, ils n'ont pas besoin de force. Mais là cette scène elle est ratée, c'est la cantina moisie, toute cette planète c'est raté. Le problème c'est que dès qu'il y a un rad dans Star Wars, on va penser à la cantina. Là on arrive dans le ventre mou un peu du film. Oui, mais dès que tu rentres dans un rad dans Star Wars, c'est forcément la cantina. Au bout d'un moment, faut accepter qu'il y ait d'autres rades dans l'espace. Ouais, mais dans l'épisode 3, c'était pas mal l'espèce de boîte où ils vont avec. Dans l'épisode 2, et elle est nulle. C'est la 2. Ah oui, voilà, c'est le 2. Le 2, ouais. La boîte, c'est une boîte où ils sont dans une boîte de techno et tout. C'est autre chose. C'est autre chose parce qu'on est dans une ville, c'est Coruscant, c'est très urbain, c'est la grande ville et tout. Donc, tu vois, t'as des dealers, t'as les mecs qui font des paris sur du sport, t'as important des putes, là priorité directe cool. On voit Kylo Ren qui est tenté par le côté clair de la force. Ça, oui, c'est cool. Ça c'est très drôle, ça c'est très bien. Sa tentation, c'est d'aller dans le bon côté, quoi. Putain, j'y ai encore pensé aujourd'hui. Aide-moi, papy. C'est marrant d'être de ce point de vue comme pour ça. Expier, mais voilà, c'est là qu'on découvre que c'est vraiment le plus gros fan de Darth Vader du monde. Il a l'objet collector chez lui. L'objet que tout unique. Fan voudrait avoir. Avec, je pense qu'il y a la trilogie en Blu-ray dedans, la première trilogie. Le casque cramé de Dark Vador, quoi. D'où il a chopé, du c'est coup, on sait pas. Mais ça sera l'objet ça sera développé dans l'univers étendu. Il n'y a pas besoin de le développer avec son vaisseau du First Order. Il est allé sur la planète des Ewoks, là. C'est trop simple ce que tu dis. Non, il a peut-être missionné des mecs pour aller le trouver. En fait, tu vois, il va y avoir. Il a mis en place des guerres, il y a des gens qui sont morts. Il a peut-être tué des Ewoks pour le récupérer. Mais non, mais tu vois, on va voir. Et ça va être passionnant, ça j'ai envie de voir. Comment le sabre a atterri chez elle là, et chez Maz. Cours, et comment Kylo Ren a récupéré le masque de Dark Vador. Le sabre, c'est Luke qui a dû le récupérer et qui l'a laissé dans un coffre. Oh là là, on avant est pas encore. De partir. Oh là là, mais vous allez trop vite, on n'est pas encore là, on est en train de bouffer là. Ah oui, il y a encore une demi-heure. Qu'est-ce que vous parlez de sabre là? parce qu'on parle on a pas vu le sabre, ouais. forcément du sabre. Donc là, elle décrit dans le regard des personnages les autres. Et donc là, c'est pour ça qu'elle a des binocles. Alors oui, j'ai pas forcément tout précisé, mais tous les personnages peuvent retrouver leur miroir dans l'épisode 4 ou l'épisode 5. Bah, oui. Et la base, oui, chacun leur tour un peu. Bah, c'est clairement Yoda. Là, on est sur Dagobah. C'est une petite Yoda, sauf qu'elle elle a le feu au cul, on va dire. Elle a très envie de oui. Elle veut plus les choses Chewbacca. Ce qui la différencie de Yoda, qui était plutôt asexué, quoi. Elle le dit, elle est clairement pas Jedi, elle connaît pas la Force, tout ça. Mais si, elle connaît la Force, mais elle est pas Jedi. Oui, enfin oui. Voilà. C'est ça qui est cool. Mais ils disent qu'elle a 1000 ans alors. Elle a plus de 1000 ans. Bah ouais. Si, parce que Anne dit que ça fait plus de 1000 ans qu'elle gère ce truc. Mais surtout, elle est là pour, comme Yoda, pour guider les jeunes qui passent. Qui passe à côté. Qui passe dans son bar. Dans son bar. Elle guide les petits jeunes qui passent dans son bar. Non, mais écoute, au lieu de te moquer, écoute, elle va leur je me moque pas. Donner des indications qu'ils ne vont pas du tout écouter. Comme Luke avec Yoda, au début il s'en bat les couilles. Comme Finn ne l'écoute pas, comme Rey ne va pas l'écouter, elle va refuser son héritage. Finn va se barrer, tout ça. Et ce n'est qu'après avoir quitté Maz. Qu'ils vont se rendre compte que ce qu'elle disait c'était finalement pas si idiot que ça. Voilà. Même j'ai entendu que Maz. Faut toujours écouter les grands-parents. Et Maz devait les suivre apparemment dans des premières versions du script, ou même ça a été tourné. Maz devait les suivre chez les rebelles. Ouais. Et ça a été coupé au montage. Parce d'où le plan dans la bande-annonce où on voit Leia qui récupère le sabre de la main de Maz, je crois. Et les fans ont dit, mais il est où ce plan? Il y a plein de plans d'ailleurs qui sont. Qui ont sauté de la bande-annonce. Ouais. Et qu'apparemment, ouais, ça serait une scène coupée avec Maz. Ouais, ouais. Bah ouais, du coup, Maz, ils ont filmé ces plans où elle est. Et elle retrouve les rebelles, mais enfin les résistants. Ils ont changé de nom aussi. Ils se sont rendu compte qu'elle servait à rien. Elle sert juste, comme Yoda, sur Dagobah à guider les petits jeunes, et ça suffit. Mais bon, Dagobah c'est autre chose quand même. Ouais. Dagobah c'est autre chose. C'est vrai que ça va vivre là, c'est la version accélérée de la formation de Luke. C'est même pas une formation. Mais non, mais enfin, Luke passe par ce genre d'étape dans sa formation, et là elle va les passer en un épisode. La formation de l'épisode 4. Rappelez-vous la formation de Luke dans l'épisode 4, elle est ultra rapide. Elle est très brève. Mais on imagine qu'ils ont eu le temps pendant le voyage. C'est con, mais. Elle est ultra rapide. Oui, mais là c'est pareil. Oui, mais c'est pas une formation. Oui, hein. Tout à fait. C'est juste vrai. De l'information. Elle devient pas de formation de Jedi, ça bah, arrivera dans l'épisode 8. Parce que Rey, vous l'avez vu, l'indépendante, elle fait sa formation toute seule. On lui... Avec des tutos quoi, sur internet. Et bien sûr, bah, 2015. Rey, c'est une enfant de 2015. Ouais, bah ouais. Elle a besoin de personne. On lui parle de la Force. Plus tard, Kylo Ren va lui montrer qu'on peut influencer le cerveau des gens. C'est Kylo Ren qui lui montre, ouais. Elle va apprendre toute seule. Elle voit et elle copie. Voilà, elle voit la télékinésie et hop. Exactement. C'est une meuf de 2015, 2016, même en 2016, il paraît. Alors ça, c'est. Rey, c'est une jeune. Vive la modernité. Merde. Alors là, Julien Lepers au placard, on en a marre maintenant. Alors, ouais, c'est Rey qui présente Question pour un champion. C'est Rey. Mais oui, mais bien sûr. Mais elle va être géniale là-dedans. Il y a 2 ans, elle faisait des courts-métrages avec Daisy Ridley. Quand même. C'est quelque chose de sa carrière est lancée. Il devait être bien ces courts-métrages. Ouais, pour bosser sur Star Wars direct. Elle est bonne actrice, mais elle est géniale. Mais on va voir, attends, elle a fait un film. Non, mais t'as vu comment elle. Non, mais elle déchire, non, mais je dis pas le contraire, attention. Mais la Finn s'en va, hein. Il préfère pas se battre. En plus, du non, tout. Mais, attends, non, c'est, là, c'est bien caractérisé sur son personnage. Là, je dois donner mon avis de d'homme macho là. Ah. Elle est même pas mise en valeur physiquement. C'est qu'à aucun moment tu te dis ah qu'est-ce qu'elle est mignonne. Enfin, c'est faux. Justement, bah, elle est juste comme il faut. C'est-à-dire qu'effectivement c'est pas un canon de beauté machin. Et en même temps, voilà, tu sais que la meuf elle est canon. Voilà, on sait qu'elle est canon. Mais c'est, elle est là. Oui, mais on s'en fout. Mais carrément, on s'en fout comme Leia dans le 4. Son personnage est dingue. Et elle joue bien et on arrive à oublier que c'est une femme et qu'elle pourrait être objet sexuel ou tout ça. Voilà, on en a rien à foutre de ça. Effectivement, voilà c'est pas le sujet. Et je trouve ça très très bien. Par contre, elle a déjà une tenue à mode de Jedi. Elle pourrait être Jedi. Ouais, ça évoque la tunique d'un Jedi. Carrément. Effectivement. Donc là, elle est appelée par quelque chose. Par la cave. On va découvrir que c'est le sabre. Et, ben, là, et c'est la voix de Luke alors qui l'appelle. Ouais, c'est un truc comme ça. Alors il y a un mélange de plein de trucs. Il y a une théorie. Il y a Beck de Alec Guinness. Non, Ewan McGregor. Enfin, Ewan McGregor qui a Alec Guinness est crédité dans ce film parce qu'ils ont pris des morceaux de ses répliques. Si, je crois qu'une des dernières répliques, il y a du Alec Guinness dans. C'est possible, mais je me souviens qu'il y a un truc de la trilogie d'avant. Mais oui, donc elle est appelée à la cave. J.J. Abrams, donc aux commandes, alors Magic Box. Mais explique ça, on peut expliquer. Oui, elle va expliquer. Et ben, on a 2h15. La Magic Box de J. Abrams, c'est un thème qui l'apprécie énormément. C'est le mystère. Voilà, qu'est-ce que dans l'histoire recèle un mystère. Pour le coup, je trouve que la métaphore est un peu poussée jusqu'au bout. Parce que des trucs dans des boîtes. Voilà, voilà. Et ouais, et ne pas dire ce qu'il y a dans la boîte. Et il faut ouvrir ce qu'il y a dedans. Non, justement, il ne faut pas l'ouvrir. Il faut sous-entendre que c'est génial dedans. Bah oui, bah là. Et là, là-dedans, il y a quoi? Il y a juste le sabre laser qui coûte des enfin qui donne des hallucinations manifestement. Et là, qui crée une sorte de flash forward sur l'épisode 8. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la fin du film quand la base explose. Qu'est-ce que c'est? Mais non, ça c'est ça c'est flash, ça c'est Luke. Ça c'est Luke. On imagine que c'est avant. C'est au moment où Kylo Ren s'est rebellé. Oui. Non, à ce moment-là, ouais. Oui, c'est là, ouais. Exactement. Elle était présente ou elle revit le truc? Revit le truc, elle est... Ah, elle était peut-être présente. Ouais, bah, on voit le cercle de Kylo Ren, c'est ça? Il y a tous ses complices. Les chevaliers du Ren. Mais... Les chevaliers du Ren. Ouais. Parce que, comme dans la grotte de Dagobah, rappelez-vous, Luke, il va. Comment il s'appelle? Yoda lui dit qu'il y a une grotte pleine du côté obscur, il va dedans, il voit dedans son passé et son futur possible. Et là, Rey, c'est pareil. Tout ce mélange de flashback, de flash forward, de flash sideways, on sait pas trop. Ça, c'est la fin. Hein. C'est un mélange de son futur, de son passé. De son possible ça futur. C'est cool ça crée ouais c'est cool mais ça de l'attente mais c'est un truc typique de Jack, dès que tu veux faire comprendre à ton personnage quelque chose tu lui fais vivre une expérience mystique et là pour le coup c'est trop facile. Luke il en chie pour arriver à Dagobah, là c'est celle lui tombe dessus, j'aime pas. Moi je trouve ça un peu plus classe quand même que juste ça lui tombe dessus, elle est appelée quand même. Oui, elle est appelée. Ah oui, l'appel est moyen. Quoi. Bah, il y a une voix. Elle est dans une taverne, elle va dans la cave. Ouais, justement, comme tu dis, elle a terminé un peu de force dans cette Elle est appelée littéralement. Tu sais, ouais, littéralement, j'entends un truc, on dirait les principes forcé, d'un Disney, tu sais, quand la princesse elle allait dans les exactement, bois, parce qu'elle entendait un truc. Exactement. Voilà. Bon voilà, et puis faut qu'on clarifie les choses autour de ce sabre là. Parce que donc il y a un sabre, on est d'accord que c'est celui de Maz dit à Rey que c'est le sabre de Luke et de son père avant lui, donc de Anakin Skywalker. Mm-hmm. On est d'accord que ce sabre qui a appartenu et à Anakin et à Luke, il est tombé dans la cité des nuages. Ouais. On est d'accord, à la fin de l'épisode 4, mm-hmm. L'épisode 5. Mm-hmm. D'accord. Pas de panique, tu sauras pourquoi. Tu vas savoir. Donc c'est ça, non mais qu'il n'y ait pas de confusion, que les gens ne croient pas que c'est le sabre qu'avait Luke dans le Retour du Jedi, parce que pour rappel, dans le Retour du Jedi, déjà c'est vert, et Luke refabrique un nouveau sabre vu qu'il a perdu le sien avec sa main, dans la cité du Jedi. C'est-à-dire qu'entre les deux films, il a retrouvé son sabre et qu'il l'a laissé dans le petit coffre quand il a perdu contre Kylo Ren. Tu veux dire entre le 6 et le 7? Entre le 6 et 7. Alors pour moi, c'est des gens qui sont avant son exil, quoi. Pour moi, je peux me gourer, mais c'est des gens qui sont allés à la recherche de ce sabre. Pour moi, c'est pas Luke qui l'a ramené ici, tu vois. Ouais. Et Maz le sous-entend à un moment. Quête du Graal, quoi. On demande à Maz d'où vient ce sabre. Et elle dit ah, ouais, elle embrouille. Elle fait une embrouille. Mais ça sous-entend, moi je l'ai vu comme ça, qu'on nous l'expliquera à un moment donné. Ouais, peut-être pas dans les films, quoi. Mais c'est attendez, ça qui les gars, est chiant. Mais c'est sûr. Bah, c'est sûr. La communication est déjà prévue, vous inquiétez pas. On va tout savoir. Pourquoi Spéo a perdu son bras? Pourquoi il a un bras rouge? Ça vous intéresse moins, non? Mais ça va être dit pareil. Ça va être développé. Le personnage de Poe va être développé. Lando, on va peut-être savoir qui c'est devenu Lando. T'inquiète pas. Bon bref, alors attends, repris votre direct. Mais faut se farcir. Là, on est dans le Seigneur des Anneaux. Moi, je veux l'avoir dans les films. L'Isengard se réveille. Alors, c'est le Seigneur des Anneaux en 39-45. On est d'accord que là, l'Astérix, c'est Mission Cléopâtre. Ah non, mais plus que moi, j'avais l'impression d'être en Corée du Nord, moi. C'est vrai que c'est un peu la Corée aussi. Il fait froid, il y a de la neige, ils vont regarder une bombe atomique exploser là. Moi, j'ai l'impression d'être en Corée du Nord. Ouais. Même si on connaît pas trop la Corée du Nord. Enfin, c'est des fachos, quoi. C'est des gros fachos dégueulasses. Ouais, c'est clair et net, l'image, ils sont pas. C'est des nazis. Ils sont pas subtilement. C'est, voilà. Il y a c'est le Supreme Leader. À la rigueur, l'Empire, en même temps, la référence même dans aux nazis, le Nouvel Espoir, c'était pas subtil. Était plus subtil. Là, c'était pareil. Là, c'est un défilé, quoi, du Troisième Reich. Le problème, c'est que ça fait Empire et First Order. C'est quoi la différence, quoi? C'est les mêmes. Bah, c'est même, ça, ouais. Le truc. Bah, c'est dommage, quoi. Ouais. Là, il est complètement hystérique. Ça, oui, voilà, c'est. Puis il lève le bras, hein, en plus. Voilà. Là, ça lève le bras, là. Voilà, on était sur du stock shot de Lenny Riefenstahl, quoi. C'était surtout qu'il y avait un figurant, ils ont multiplié après à la. Non, la Star Killer qui va raser la République. Qui voulait bien faire la fin. C'est Michael Giacchino qui se fait raser. Donc là, oui, donc les mecs qui s'extasient devant une explosion. Donc Starkiller, ils ont transformé cette planète en étoile de la mort. En canon géant. En canon géant. Et donc, c'est un peu, c'est ces mecs qui est la guerre froide. Donc là, on va avoir le droit à un plan. Ouais. Mais avec ça, et là, ils vont défoncer des. Avec la fille de Doctor Who. Avec la compagne de Doctor Who. Doucement. Je vois le fan de Doctor Who en toi, là, tu anticipes un petit peu. Si, c'est maintenant. Mais donc là, non, ouais, ils ont mis en place leur canon pour défoncer des planètes. Ils vont carrément détruire des planètes, quoi. Bah, ah, mais attends, mais c'est pas. Ah, mais il y avait ça dans l'étoile noire, non? C'était qu'une seule planète. Ah, mais ça, c'est un remake. Ah, oui, c'est, pardon, c'est un remake d'épisode 4. Adorant. Mais c'était qu'une seule planète. Là, ils ont détruit 5 en même temps. Ça, il n'y a pas à chier, c'est nul. Donc, il ouais, bah, y a des violons. Il hein, y a des violons parce qu'il ouais. y a des planètes qui vont exploser. Il y a beaucoup de gens c'est qui vont mourir. C'est pas Coruscant, ça. Donc, comme dans. Hop, là, il y a la fille de Doctor Who. Ah, voilà, c'est la nana, une ancienne assistante de Doctor Who. Rigma Eggman, qui joue dans Sensei, t'as excellent. Ouais, aussi, ouais. Et donc, comme Alderaan dans l'épisode 4, les méchants doivent montrer la puissance de leur gros engin. Ouh, j'ai un gros engin, je vais te le montrer. Donc là, on fait exploser. Surtout qu'elle est plus grosse qu'avant. On fait exploser des planètes, et notamment celle bah, de l'ancienne meuf de Doctor Who, qui s'appelle Ocean Prime. Donc ce n'est ah pas Coruscant. Ah oui, c'est pas Coruscant. Ils ont changé tous les... Ça ressemblait quand même. Parce que entre l'épisode 6 et l'épisode 7, où, enfin, du coup, ils ont établi la capitale de la République sur Ocean Prime, ah et oui, pas sur Coruscant. Ah oui, pas, j'ai pas suivi là-dessus. Et donc c'est pour ça que c'est ça. Que... Donc ils mettent quand même un terme à la République en explorant cette planète. Parce que même si c'est pas Coruscant, c'est la... Ouais, c'est définitivement terminé la République. Bah... On sait pas, c'est pas clair un film, c'est pas clair un film. Et ça peut pas être. Parce que, alors je sais pas si on l'a dit là simple. Ou si on l'a dit entre nous, mais oui, ils ont décidé de ne pas du tout parler politique dans cet épisode, Clément. On va en parler, je crois, avant ou pendant ce podcast, je sais pas, mais oui, ils ne parlent pas du tout politique, donc on sait pas, c'est très flou la situation politique et les actes. Parce que dans la prélogie, la politique était pas trop appréciée, non était extrêmement présente. Hein, Clément, toi, tu sais, la politique de la prélogie. Oui, elle est extrêmement présente et pour le coup. Et pas appréciée par les fans. Compliqué, tu vois, bah ouais. Parce qu'au début, tu peux, si carrément, tu peux décrocher. C'est trop fouillis, mais c'est je trouve que l'intrigue. Ouais. Mais par contre, elle est passionnante, quoi. Mm-hmm. De voir comment la République bascule dans l'Empire, c'est un truc. C'est je trouve que c'est assez passionnant, quand même. Donc la transmission du sabre à Finn. Ouais, là on nous en parle pas du tout de la politique. Ben non, et ça c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui est devenu la rébellion? C'est devenu la Nouvelle République? Et ouais, ils sont devenus des résistants. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils résistent? Ils résistent à quoi du coup? Enfin bon. Et le fait que le First Order détruise cette planète, donc cette capitale de la République, est-ce que ça a un... Non, mais c'est comme des courants politiques qui s'affrontent peut-être. Alors c'est peut-être pour là. La République, les rebelles et le First Order. À savoir, ça se trouve la République. C'est eu encore une fois noyé dans la corruption. On a dû louper le plan. Il y avait un plan le plan Apocalypse Now, on l'a loupé, je crois. On l'a loupé carrément, bien sûr. On l'a loupé. Bon, bah voilà, il y a une référence très claire à Apocalypse Now avec ce. Très très clair. C'est TIE Fighter qui arrive sur un soleil couchant. Sur la taverne de Maz dans le soleil couchant. Et c'est intéressant aussi parce que je vous disais que le film et le film de 77 faisaient beaucoup de références à la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est une manière de faire des références à une guerre un peu plus moderne, un peu plus près de nous. Bah, le Vietnam, voilà. On fait des références à la guerre du Vietnam. Tous qui sont dans la forêt. Donc on est bien. Voilà. Non, c'est une référence à toutes les guerres. Mais oui. Je crois pas que ce soit spécialement. Oui, enfin là, Apocalypse Now, c'est Vietnam. D'accord. Ah oui, pardon, oui, d'accord. Je ça fait aussi référence au Retour du Jedi, bien sûr. Et bah ça, oui, les critiques. Il manquerait plus qu'il nous faut une moto, allez, on est bien. Les critiques qui reviennent souvent, c'est que voilà, ça se passe dans le désert, sur une base et dans la forêt. Bah, oui, et dans la neige. Et dans la neige. Ils ont repris les best-of, quoi. Mais arrêtez, oui, mais. Bah, espérons pour du coup pour le 8, mais voilà, c'est mais pas mais le cas. C'est ça. Non, mais alors, c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, qu'on les dessine sous l'eau. Attends, il tue les gars sans regarder. Pour le coup, là, on se plaignait de la gestion de la politique dans l'histoire, mais on va savoir ça. Mais elle est suivie aussi. On va peut-être savoir ça dans l'épisode d'après. Oui, parce qu'on t'a dit, elle est censée aller avec eux chez. Je bois un coup tout seul parce que j'en ai un. Ah oui, faut goûter à ça, ça a l'air très bon. Ouais. Ah mais faut secouer avant. Finn qui utilise le sabre laser. Il y a des gens qui pensent que c'est pas le cas. Alors, oui, Finn qui se bat, c'est pas là encore. Faut pas secouer ça. Hein. Si c'est un peu parce qu'il y a du dépôt sinon. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec le le Finn va se battre contre. Allez, ah bah, il se bat avec le sabre laser. Il se bat contre... Et là, surtout, il va se battre contre un ancien collègue. Qui l'appelle le sale traître. Voilà. Et bah, qui devient la nouvelle star d'Internet. Le symbole est très clair. Hein. Finn se bat contre lui-même, tout simplement. Ce Stormtrooper qui faisait. C'est son gardien du seuil. Qui faisait ce qu'on lui disait, il avait peur, car il n'avait pas les capacités de comprendre ce qui l'entourait. Il est encore un peu jeune, hein, malgré tout, pour s'en sortir contre son ancien lui. Et il va avoir besoin de l'aide de son tonton Han. Hein. Il se bat bien. Et oui, il prend cher. Tu m'avais demandé, Clément Skywalker, tu disais, c'est bizarre que ce gars, il arrive aussi bien à se battre au sabre laser. Et, moi, et là, tu me l'as justifié avec ça, ouais. Ma théorie, c'était que ces Stormtroopers ont l'habitude d'utiliser ces espèces de matraques électriques. Et donc, ils doivent avoir une formation à se aux battre aux armes blanches. Ouais, à ce genre de choses. Donc, c'est ma théorie. c'est le seul truc qui permet à, de justifier le fait que Finn ait un sabre laser, franchement. Bah, et surtout qu'il arrive à s'en servir. Et qu'il a, bah, évidemment, parce que là, il se bat clairement. Qu'il est effectivement d'accord, mais qu'il s'en sert plutôt pas mal. Le problème reste pour Rey, mais on verra ça après. Oula, t'as un figurant qui a failli se casser la gueule. Hein. Et là, symboliquement, c'est intéressant parce que, donc, comme j'ai dit, il a pas réussi totalement à battre son ancien lui. Finn, à ce moment-là. Non, mais le mec contre il se battait, il avait le dessus. Hein. Lui, il avait, Finn se faisait bouffer. Et à ce moment-là de son histoire, Finn, il est pas encore prêt et il voulait se barrer. Hein. Il est là, il est monté dans un vaisseau avec d'autres mecs et il voulait se barrer. Et sa situation va changer à ce moment-là quand il va voir Rey se faire embarquer par Kylo Ren. Mais là, la cavalerie arrive. Poe qui n'est pas mort. Voilà, les résistants. Poe est là dans son avion. Il y a un mec qui se gratte le cou. C'est sa jambe, quoi. Non, mais c'est son coude. Le mec, il est en train de se gratter. Enfin, on regarde un scanner, je vois. Oui, c'est pas ça. Faut pas dire ça. Enchaînons. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, bah, bon, là, c'est un peu grandiloquent, quand même. Hein. Grandiloquent. Mais oui, mais alors, fait des guerres, là, j'ai ressenti un petit truc aussi, pareil. La joie de revoir des X-Wing arriver. Franchement, j'ai kiffé. Oui. Ouais, même si les X-Wing, je les aime pas trop, même si effectivement le tout est un peu lourd, tu vois, à digérer, c'est quand même cool. Voilà, ça arrive. Et puis là, bah, du coup, c'est l'introduction dans l'histoire de cette fameuse résistance que moi je voyais comme l'armée juste républicaine, tu vois. Ils ont juste dit TIE Fight, dit X-Wing. C'est ça qui pêche un peu. Elle est moisie, cette résistance. Pourquoi les résistants ont aussi peu de pognon que les rebelles? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. C'est un peu bizarre. Mais peut-être qu'on va savoir ça dans l'épisode 10. C'est ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure. Fait beaucoup de choses, mais c'est pour ça. On verra. 5 heures l'épisode. Parce que pourquoi, comment t'expliques qu'il n'y ait pas une seule référence à Coruscant ou la République? Il n'y a plus de subvention. C'est bizarre. Non, mais on va savoir. L'empereur, en fait, il avait fait un trou énorme dans le budget. Il a pompé deux tout étoiles noires, ça coûte cher. Et puis les régionales ont été tendues. Il n'y a plus de blé dans les caisses. Il n'y a plus rien. Voilà. Peut-être qu'ils vont appeler Danny Briand pour le coup. On se dirait dans la grotte un petit peu de l'Empire contre. Bah alors c'est ça, exactement. C'est un peu le même principe dans la mesure où on rappelle que c'est quand même l'itinéraire d'un héros et que pour le coup, le héros, pour évoluer, il doit passer par la grotte ou la forêt, enfin tu vois, par ce genre de lieu mystique. Et dans cette forêt, bah, y a Kylo Ren. Effectivement, ça rappelle grave Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. Mais on n'a pas assez parlé, je pense, du monomythe. Et pour le coup, là, Rey, elle en prend une bonne souche, quoi. Donc elle fait face au côté obscur, à personne de Kylo Ren. Tu vas pisser. C'est important de le noter. 2h15, les gars. 2h15. Non, et ce qui est intéressant, c'est que Finn et Rey, quasiment en même temps, vont avoir leur premier face-à-face avec ce qu'ils redoutent le plus. Dans le cas de Finn, c'est son ancienne vie de Stormtrooper. Dans le cas de Rey, c'est ce type-là qui maîtrise la force, ce mâle dominant qu'elle veut pas rencontrer. Et pour les deux, pour l'instant, ils n'arrivent pas à combattre. Ils sortent perdants de ces deux face-à-face. Ah oui, mais ils ont besoin de ça pour évoluer. Après, le truc par rapport à au monomythe, comme on n'a pas assez développé, je trouve, on parlait du gardien du seuil tout à l'heure. Enfin, c'est moi qui avais évoqué ça. Tout à fait. Pour le coup, est-ce que tu penses que son gardien du seuil, c'est Kylo Ren, à elle? Oui, très clairement, oui, parce que c'est le climax du film, selon moi, c'est le moment où elle franchit le seuil, c'est quand elle récupère le sabre. Dans la neige. Ouais, bien sûr. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, d'accord. Et en battant, en ayant le dessus sur Kylo Ren, là, elle rentre pleinement dans l'aventure, chose qu'elle refusait jusqu'à présent, quoi. Et donc là, ouais, là, pour l'instant, elle refuse toujours. Il y a des petites brides de peut-être que c'est sympa, peut-être que oui, peut-être que non. Mais Rey, jusqu'à cette bataille dans la neige, ce combat dans la neige, pardon, va refuser l'appel de l'aventure et. Et c'est pour ça que, oui, s'il doit y avoir un gardien du seuil pour elle, c'est Kylo Ren, c'est son cousin. Hein, c'est... Par alliance, je crois. On sait pas trop. Là, on va assister au retour. Et là, c'est drôle parce qu'il y a un qui dit ah, il y a Rey qui s'est fait enlever et tout. Et un qui dit tu te calmes, petit. Parce que là, spectateur, toi aussi, tu le sais. Je vais retrouver ma meuf, quoi. Voilà. Et c'est très drôle parce qu'à ce moment-là, on sait. Qu'on va voir Leia, résistance égale Leia, on sait qu'on va la voir, et voilà, Anne le dit, et on met les choses de côté, ok, Rey s'est fait enlever. Mais là, back in the business, Leia, quoi. Et voilà, et 3 PO. Et 6 PO qui fait chier, qui s'interpose comme dans l'Empire contre-attaque entre les deux. Hey, voilà. Salut, je suis un connard. Elle est bien cette scène. Qui rappelle en VF qui s'appelle 6 PO, mais que maintenant il s'appelle C3 PO. Il fait une petite mise à jour. En VF, ils ont doublage VF. Dans la VF des 3 premiers films, un petit pansement. Ils avaient traduit C3 PO par Z6 PO. Et donc là, pour être de nouveau raccord avec la VO, apparemment, ce que tu dis. Détour d'une réplique VF. À ce moment-là. Ah, elle est bien, cette année, elle est sympa. Regarde, ce plan est terrible. Avec le bras rouge. Ce plan est terrible parce qu'ils se sautent pas dans les bras et voilà, ils ont vécu une histoire, c'est compliqué. Il est vachement bien composé, je trouve. Non, et ça aurait suffi. On n'avait pas besoin de les voir plus, ces personnages. On avait notre clin d'œil. Oui, là pour avait... le... ouais. C'était bien, c'était beau. On voit pas beaucoup les IA dans ce film, quand même. Non, ouais, elle sert pas à grand chose. C'est pas grave. Mais fallait pas l'avoir trop. Oui, place aux jeunes, comme tu disais tout à l'heure. Oui. C'est bien que Anne ait un gros rôle, mais que. Non. Si, c'est bien. Son rôle est nul. Bah, si, il est là pour. Il est là pour mourir. Mais il est là pour mourir. Ouais, mais il meurt mal. Son rôle est mal fait. Sartman est enrhumé. Il beurre balle. Il beurre très balle. Il beurre très balle. Bon, allez, décrivez l'arrivée chez les résistants. Alors, on est en terrain connu. Moi, des pilotes qui courent, le casque sous le bras, dans un hangar autour du faucon. Voilà, alors on est en terrain connu et ça nous fait bien, là, bien plaisir. Et là, ils ont fait un extérieur. La madeleine de Proust est succulente. Alors, je sais que certaines personnes. Non, mais voilà, certaines personnes ont critiqué ça, que ce film était finalement un doudou ou un truc comme ça. Oui, mais ils sont garés à la Comté, quoi. C'est la Comté, quoi. Ils sont garés à côté de la Comté, là. Oui, ils sont, voilà. Et BB-8 est un humain, il pousse le concept encore plus loin que R2, tu vois, il pousse les gens, il met des vents, il baisse la tête quand il apprend la mort de Poe. Il y a une love story entre Poe et BB-8, mais hein, non, je pense qu'ils font des trucs sexuels. Hein. Bah, c'est sûr, c'est évident. Ce sera raconté d'ailleurs dans un spin-off. Vous êtes dans la version porno de Star Wars. Les gars, vous êtes graves. Je suis sûr que la version XXX de la Force Awakens, je suis sûr que BB-8 et Poe font des trucs, c'est évident. C'est vrai que c'est sous-entendu très fort. Ils sont gros engins. Les gens qui mettent leur tête devant l'écran. Devant les screeners, c'est scandaleux. Les gens qui sortent. Arrêtez, les gens. Un peu de respect pour le mec qui filme, quoi. Voilà. Et les X-Wing sont plus petits et sont directement tirés. Ils sont plus petits que le vrai. L'expert X-Wing est. T'as vu ce que j'ai dit ? Le vrai X-Wing. Mais le gars, il connaît les dimensions d'un X-Wing. Mais oui, mais oui. Ah, je te le dis, ils sont plus petits. Mais attends, mais tu sais pas à qui tu parles. Les X-Wing sont plus petits et surtout, ils sont tirés d'un concept de Ralph McQuarrie de avant 77, enfin avant la sortie du film. Greg. Vas-y. Et là, ils ont juste repris un vieux concept pour les X-Wing, c'est un peu dommage. Donc, c'est des X-Wing différents de la première trilogie, alors. Eh ben, c'est. Non, si je te dis, c'est le concept d'avant. C'est comme avant qu'ils aient la forme finale, ils sont passés par ce stade-là, au niveau du concept, et c'est ce qu'on retrouve là. Et donc, c'est pas les mêmes X-Wing que dans la. Non, c'est les X-Wing, ouais, c'est les concept art des X-Wing avant. Donc, ils revenaient. C'est comme, il paraît qu'il y a Chewbacca. Mais non, je l'avais pas remarqué, c'est des X-Wing, c'est X-Wing, il a des ailes comme ça, c'est X-Wing. Non, mais c'est pas le même. Mais c'est pas le même mood, mais. Il paraît que d'ailleurs, qu'il y avait un concept art de Chewbacca dans la cantina aussi. Non, c'est vrai, c'est pas une connerie. Il y avait de Ralph McQuarrie dans les premiers concepts de Chewbacca, il y a un de ses modèles dans la cantina là. Dans Star Wars Rebels, le Z là, le méchant, c'est un concept de Rebels. Bah si, c'est l'univers de Star Wars. Il y a Sarah Michel Gellar. Bon, bref, on a un podcast Buffy, on est obligé de. Moi j'ai pas regardé Star Wars. C'est bien du coup Star Wars. Tu devrais, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est carrément bien. Ouais, cool, j'ai pas vu la deuxième. Faut qu'on en parle pendant le podcast, c'est pour ça que je lance. Ah, super. Alors, c'est un vrai podcast. c'est cool. Pour ceux qui aiment Star Wars, franchement, Sartman, ceux qui aiment Star Wars, Star Wars Rebels, c'est cool. Bon, on l'a dit dans notre podcast Buffy. Écoutez nos podcasts Buffy si vous ne nous connaissez pas. R2-D2. Parce qu'on parle d'autres choses des fois. Non, alors là, mon grand regret, on parle pas. On a loupé Greg Riley. Non, on va le revoir après, t'inquiète. On va le revoir après, Greg. On va parler après parce que là, il y a R2-D2 quand même. La rencontre, la nouvelle génération avec l'ancienne. Avec le bras rouge. Et R2-D2 qui est en veille quand même. Il s'est bien en veille. Il est en mode. Ça, c'est spécial, ouais. Ouais, c'est réveille. Alors, est-ce que ce serait pas lui le réveil de la force? C'est lui le réveil. C'est le mode radio réveil. Ah, c'est triste, quoi. C'est non, ça, la réveil de la force. Alors, mais parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un lien mystique qui unit Luke et R2. Et c'est nouveau, ça. Et ça sort du nulle part. C'est nouveau, je suis d'accord. Ouais. C'est pour ça que je dis, on va l'apprendre sur la vue dure parce que ça peut pas être autrement. C'est trop bizarre. Dès que Luke intervient dans l'histoire, R2-D2 se réveille. Je suis le réveil de la force. Je suis le réveil. Il parle pas comme ça, mais ouais. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est nul, c'est bizarre pour dire c'est nul en fait. Dialogue tout le temps attendu entre Luke et Anne. On est dans un passage très très chiant du film, hein, toutes les scènes. Non, je suis pas d'accord, c'est pas chiant. Attends, ça donne c'est envie le retrouvailles. De faire une petite sieste, hein. Non, alors là je suis pas d'accord. On attend que ça, de voir qu'est-ce qu'ils ont à se dire depuis toutes ces années, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Bon, bah on apprend. Bon, alors tu disais tout à l'heure, je sais plus, lequel des deux disait. Oui, Han Solo, c'est chiant, il a pas changé. Mais regarde, on le voit que désespérément, il peut pas évoluer, il redevient ce qu'il était avant. Je trouve que c'est très réaliste, tu vois. Mais voilà, mais j'en reviens. reviens à ce que je disais, moi je trouve ça dommage qu'on passe de notre Han Solo Retour du Jedi à notre Han Solo. Il est revenu en arrière. Oui, voilà. Mais c'est ça qui est triste. On comprend pas ce qui s'est passé et ça me gave, moi. C'est et pas... ça vous semble pas un peu parce que c'est crédible. Pas une suite. C'est pas une suite. Moi je voulais voir la suite. Eh ben si, dans la suite, il a dégringolé. D'ailleurs, dans l'univers étendu, je crois, y a un, c'est un comics qui s'ouvre comme ça. Il est bourré dans un bar, il est dégoûté. Ah oui, parce qu'il a perdu Leia. Le faucon, il a perdu son fils, il a perdu Leia. Qu'on nous explique pourquoi. C'est génial. Mais on va te l'expliquer, bon sang. Mais c'est pas possible. On va pas faire des préquels. Ils vont pas faire des préquels. Non, ils vont pas faire des préquels. Dans l'univers étendu, des jeux vidéo, des BD, tout ça. Moi, je suis d'habitude. Moi, ça m'a pas choqué que Han Solo redevienne ce qu'il était au début. C'est triste, mais c'est la vie, quoi. On est sur hot. Ça y est. Ça y est, il est passé dans le côté obscur. Ça y est, lui aussi. Bah, je suis la raie entre vous, les gars. Je suis la raie au milieu, du coup. Donc, raie qui se fait torturer. Un peu d'humour. Scène importante, quand même. Scène importante parce très que, importante. Le petit Kylo Ren va enlever son... Il va se révéler. Il va se révéler. Petite précision, c'est même sur le travail vocal, le travail sonore sur Kylo Ren. Mmh. Je trouve qu'il est vachement bien comme Bane dans Dark Knight. Il a une voix qui voilà, dont on va se souvenir et qui est super cool. Alors, petite référence à l'Empire Contre-Attaque sur le plafond de ces espèces de néons. Voilà, c'est la même déco. Là, les gars, non. Là, je dis non. Ah, t'aurais pas parce que dans les comics aussi, dès qu'il y a une scène de torture, il y a les néons. Il y a les néons au-dessus de Bespin. Bref. Alors voilà, oh putain. Adam Driver, le méchant. Et je trouve qu'il est super bien choisi. Je suis fan de ce choix, bah carrément, parce qu'il est inattendu. Tu sais, c'est pas un beau gosse genre Hayden Christensen. En même temps, il est suffisamment pour être dans un blockbuster. C'est bien qu'il soit jeune aussi. Et il est jeune, on découvre que c'est un petit. Un petit ado. Tu connais Adam Driver, Clément? Il a fait quoi dans la vie à part. Il a fait une série qui s'appelle Girls. Il joue dans une série. Tu connais Girls? Moi, j'ai vu le pilote. Non, j'ai pas vu en fait. Très bien. Il joue pas dedans en pilote. Mais je sais que pour le coup, ça a influencé le choix de ce mec parce qu'il. C'est un caractère déjà assez spécial. Il a joué dans Girls, il a joué dans Lincoln. Je finirai plus tard, c'est pas grave. Il a joué dans Girls, il a joué dans Lincoln, il a joué dans le film des frères Cohen qu'on évoquait tout à l'heure, dans lequel il y avait aussi Oscar Isaacs. C'est ça qu'il a fait, le petit Adam. Ah, ils ont déjà joué ensemble. Ouais. Donc qu'est-ce que tu disais? Il avait une tête bizarre, c'est ça que tu disais? Non, j'ai. En plus, t'écoutes pas. Tu as dit il avait un physique particulier. J'ai pas dit ça du tout. Tu réécouteras, Sartman. J'ai dit que c'était pas un canon de beau. C'était pas Tom Cruise, quoi. J'ai voilà. Bordé. Et pourtant. Tom Cruise, ça aurait été une bonne idée. Tom Cruise, le fils de. Selon, c'est pas. Et voilà. Et le fait que. Le fait que ce mec dans la vie et voilà, il commence à avoir une réputation de mec, je vais pas dire cinglé, mais voilà, d'avoir un tempérament assez. Assez excessif. Ouais. Et ben je trouve que ça participe à l'aura de son personnage et en plus voilà le seul rôle connu de lui donc c'est dans Girl où t'as un mec un peu torturé tout ça, enfin voilà, il est pas là pour faire il y a du sens quoi. Il est pas clair, le gars. Dans cette participation. Et donc comme dans toute bonne scène d'interrogatoire, c'est l'interrogateur qui finit par se faire interroger et par lâcher des infos et là c'est très intéressant, donc c'est Kylo Ren qui veut utiliser la force pour lire les pensées de Rey et Rey sans s'en rendre compte naturellement va apprendre, elle montre qu'elle est naturellement douée avec la force. Bon, mouais ou bien? Bah mouais. Mouais, hein, c'est mouais. Ah, c'est un peu mouais, ouais. C'est un peu mouais. C'est bien, moi j'aime bien. Ah ouais, ouais. Mais pourquoi? Parce que comment tu veux développer cette matière, la sensibilité à la force? C'est super dur quand même à décrire. Sans passer par le cliché du je déplace des objets. Bah c'est ce qui va faire. Ou alors ça peut être des maths, ça peut être avec des midi-chloriens par exemple, un taux de midi-chloriens. Mais voilà, c'est pour ça. Ça serait intéressant. Arrêtons les conneries. Et rappelez-vous, dans le Retour du Jedi, il y a un combat psychologique entre Dark Vador et Luke. Il s'attaque pas, et voilà, il s'attaque à coup d'épée, mais quelque part, il essaie de fouiller son esprit, de le faire chier, tu vois. Bah là, c'est ce qui se passe en version un peu accélérée. À la Jones, entre les deux. Qui fait des pétards en même temps. Voilà, et c'est les héritiers de la force, je sais pas, je trouve que ça passe très bien parce que c'est crédible dans le monde de Star Wars, un combat mental comme ça. Comme dans Dragon Ball. Ah là, et ça c'est cool comme scène, Kylo Ren qui avoue à son chef qu'il est pas assez fort quoi. Et l'autre, tu l'as fait, il est sensible à la force. Qui arrive derrière. C'est pas moi, c'est lui. Ouais. Le droïde, ouais. Ça c'est mais ouais, c'est marrant, c'est rigolo, ouais. C'est rigolo. Ouais, ça casse toute crédibilité avec Kylo Ren, mais il a un bon. Qui va être bien à la fin du film quand ils vont dire il est prêt pour la suite de sa formation. Voilà, ouais, ça rattrape. C'est bien amené, quoi. C'est juste que là, à partir du moment où il enlève son masque, le personnage change totalement et du coup c'est vachement intéressant que. Bah oui, parce que dans il y a vraiment deux facettes. Ses faiblesses qui apparaissent. Bah c'est là il y a plus que ses faiblesses. Ce qu'on a envie de voir. Même à la fin il sera pas très puissant quand, pour le combat final. C'est ça, c'est comme je disais dans ce film, Kylo Ren et Rey ont un parcours symétrique, ouais. L'un dans le sens du bien, l'autre dans le sens du mal. Et ce qu'on espère, ce qu'on a envie de voir dans les prochains films, c'est ces deux héros, chacun de leur côté, chacun de leur camp, vont évoluer et il y aura un combat final forcément entre les deux. Ouais. Mais c'est sûr. Qui promet d'envoyer du bois, on l'espère quoi. C'est surtout si James Bond arrive dans la prochaine. Voilà. Scène, c'est ça. Quelle transition, Riley. On me dit bon, que James Bond est là. James Bond. Donc le Stormtrooper qui est là, ce serait Daniel Craig apparemment. Voilà. Évidemment. Daniel Craig qui tournait donc Spectre dans les juste à côté. Juste à côté. Parce que je vous rappelle que Star Wars. Les studios sont mitoyens. Comme tous les gros films est tourné dans les studios de Pinewood en Angleterre, qui ont la réputation d'être d'énormes studios et donc très souvent utilisés par les gros blockbusters. Et donc Daniel Craig qui tourne à côté a toqué à la porte en disant hey, bonsoir, je veux jouer. J'aimerais bien jouer même un truc gratos. Il a joué bénévolement. Et apparemment c'est lui qui est. Et il est même pas dans le générique de fin en fait. Il est. On trouve son nom dans ce truc-là. Ouais. C'est marrant que c'est juste personnage. Que Spectre marche pas au box-office qui sort ça. Et son personnage arrête espèce de complotiste. Et son personnage aurait comme nom JB007. Ah mais son oui. Comme serait... par hasard. Alors que tu s'appelles tous FN mais lui ce serait JB. Mais non il s'appelle pas tous FN. T'es con, Jean-Baptiste. Ah bon. Mais il s'appelle pas tous ces P H J R. Qui a dit ça? Mais j'en suis sûr. C'est forcément. C'est des matricules. Dis n'importe quoi. Et donc toi, espèce de First Order. Order. Allez. Toi, tu crois que FN, ça me paraît clair comme référence. Bravo. T'es con. C'est des rêves. Alors regarde, et voilà, une nouvelle crise d'adolescence de notre petit ami Justin Bieber. Et là, il y a deux Stormtroopers. Voilà, on va se barrer. Ouais, on s'éloigne. Il a traité de Kylo Ren de Justin Bieber. Ouais, un petit peu. T'as craqué. Un petit peu. Toi qui le défendais au début du film. Mais non, mais je le défends toujours. Je pense que Kylo Ren, c'est une des plus grandes réussites de ce film. Kylo Ren, c'est l'un des plus grands atouts de ce film. Et pour finir sur Daniel Craig, moi, ce que je veux dire, c'est que. On l'a dit en off ensemble, mais que ça montre que Star Wars c'est au-dessus de tout quoi. Le mec il joue James Bond, mais il est prêt à jouer un figurant dans Star Wars parce que mais tout oui, le parce monde qu'il se doute bien qu'il y a trois connards autour de micro qui vont parler. C'est pas c'est pour sûr, ça. Mais si. Non, ça c'est comme tout le monde, il est fan de Star Wars, que Star Wars ça a bercé tout le monde, Star Wars c'est génial. Il va en être. Et il va en être. Comme Simon Pegg l'a dit, il a joué un personnage de merde, il s'en foutait, il était au paradis, il était content d'être là, voilà. Et c'est comme Jean-Jacques qui appelle son meilleur pote Greg Grunberg pour jouer dans Star Wars, qu'on vient de voir. Et lui, c'est Greg, donc c'est le barbu qu'on voit là, à gauche. Pilote de l'avion dans Lost. Qu'on voit dans tous les trucs. Et dans Vice, qui joue Vice dans Alias. De Jean-Jacques, ouais, il joue. C'est son meilleur pote. Tout simplement. Il joue aussi dans les Missions Impossibles, je crois. Dans les Missions Impossibles, je crois qu'il est. Ah, peut-être il joue dans les bureaux. Oui, il joue dans les bureaux de Missions Impossibles. C'est possible. Et donc, il y a aussi l'amiral Ackbar. Deux mots sur l'amiral Ackbar. Tout à fait. Et ben, c'est l'amiral Ackbar. It's a trap. Donc, deux mots, ben voilà, t'as deux mots. L'alien tout moche avec les yeux énormes là. Nibnum. Qu'on voit dans le Retour du Jedi. Donc il est là aussi, il est toujours là, l'amiral. Avec la même veste, ça je trouve ça moyen. Et le personnage de Lost. Et bien encore, sûr. Voilà, ouais. Miles dans Lost, Ken Lang. Ken Lang qui est là aussi. Qui va jouer dans Tony Chou, qui est un super comics, qui est la série. Ils vont faire. Alors série. Autant cette scène, on la kiffe parce qu'effectivement, non, on la kiffe pas. Elle est cool. Attends, mais si, parce que c'est un hommage. Parce que on revient, voilà, encore une fois en terrain connu. Mais regarde sur leur uniforme, il y a le symbole de la rébellion. Il y a tous les chefs rebelles, l'amiral Ackbar, Nyeb Nyeb, tu vois. Alors on se dit, alors qu'est-ce qui se passe? Bah non, Ackbar il est vivant. Il était jeune, ça veut dire que dans le Retour de Jedi il était jeune. Bah non, mais j'en sais on rien. On sait pas, c'est des alliés, ça se trouve, il a 600 ans, on s'en fout. Il vit pas comme nous, bah oui. Bah bien non, voilà. Mais oui Nyeb Nyeb, c'est notre alors, pote. C'est Nyeb Nyeb ou pas? Alors j'ai fait des recherches parce que ça m'a perturbé ce que t'as dit. Et bah ça semble être lui. Ça semble être lui. Donc on voit aussi dans le Retour de Jedi. C'est son fils. C'est copilote de Lando. Du Faucon Millennium. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il. Je veux dire, il a pas eu de promotion, il est redevenu pilote. Ça m'a un petit peu. C'est pas lui, c'est son frère. Mais non, c'est Nyeb Nyeb, Anthony. C'est son petit fils. Il a la même veste. Le pilote de X-Wing, c'est la classe, les mecs. Il me semble qu'ils vont faire un spin-off sur lui très bientôt. Non, mais pour moi, des mecs comme lui, Wedge, ils sont passés officiels. Alors, priorité au direct, on passe. Wedge, on passe à un truc complètement incompréhensible. Un des plans les plus importants de la saga qu'on va voir bientôt. Les adieux entre Han et Leia. Parce que bon, vous le savez, parce que vous avez déjà vu le film, Han va mourir. Non! Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se serre la main. Léa est floue. Léa, elle est floue. Il y a plein de plans. Dans tous ses plans, elle est floue. Ah. Et celle où elle est le plus floue, là, Ça va être celui où elle va mettre sa tête contre le torse de Han Solo. Ils ont viré l'assistant cam, quoi. Où elle dit ramène-moi mon fils, tout ça. Non, mais là tu peux pas voir. C'est non, là on voit pas, mais dans le cinéma, je me souviens que c'était net. Voilà, en salle, c'est flou, c'est archi flou. Et même tellement flou qu'on se demande si en post-prod ils ont pas essayé de bricoler l'image pour faire un truc. C'est vrai, ouais. Et c'est dégueulasse, le visage dégueulasse. Et moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Bah, les plans flous dans Star Wars, c'est honteux. Non, mais j'espère qu'ils feront un truc pour le Blu-ray ou je sais pas, mais c'est n'importe quoi. Comment tu veux, tu peux pas au Blu-ray. Ils font du numérique, je m'en fous, mais là c'est pas normal. C'est les adieux de Han et Leia, et Leia est fou. Enfin, sérieux, ça m'a pas. Non, mais alors peut-être j'ai un compas dans l'œil, mais ça m'a pas franchement marqué. Pourtant, c'est flou. L'attaque sur la planète, c'est pas un plan flou. C'est flou. Sur Finn, quand ils sont attaqués sur la planète de la femme Yoda, c'était pareil. Les plans flous sur Finn, sur Maz. Ouais, sur 2-3 plans qui sont flous. Ouais. Donc voilà, on était colère pour cette scène qui est censée être importante. On est censé verser notre petite larme. Et moi, j'étais énervé parce que je voyais mon plan flou et ça m'a sorti du film et c'était pas cool. Donc là, le faucon atterrit dans la neige en sortant de vitesse lumière directement sur la planète. C'était risqué quand même. À 200 mètres du sol. Il a un peu perdu. Et puis t'as vu, pas de. Il est en train de parler, t'es en train de faire un série. Ah voilà, c'est bon, on va s'arrêter là. Alors que justement, je trouvais que c'était super bien dosé la vitesse lumière dans les autres épisodes. C'est pas fait n'importe comment. Bah, en plus, il le dit, Yann. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu fais une erreur de calcul, tu croises la route d'une supernova. Ouais. Il le dit. Et là, justement, dans le texte. Et là ils sont fous. Comme Indiana Jones se renie dans le 4. Exactement. Oh, c'est triste. C'est dommage. Ils ont renié tous ces persos, Harrison. Peut-être qu'il a un pouvoir, effectivement. Sur est-ce que le South Park va faire un épisode où. Non, j'espère. Où Jean-Jacques Abraham est en train de violer un solo. J'espère pas. Ça serait triste. Ça serait très triste. Non, parce qu'il n'est pas violé, c'est pas. Voilà. Non, il non, est non, très non. mal exploité, mais c'est pas. C'est pas mais surtout, il n'est pas il mis sur mon taux. Harrison Ford. Non, mais ouais. Ça, donc là, ils sont dans la neige. Voilà. Bon, ils attaquent. On n'est pas encore dans le lourd, on est encore dans la partie chiante. Moi, ça me fait pas trop chier qu'ils vivent sur une planète de glace, les impériaux. La Starkiller, le premier ordre, parce que justement, quel endroit est mieux pour se cacher dans l'univers qu'une planète glacée, tu vois. C'est ce que font les rebelles, évidemment, dans Hoth. Et là, pour le coup, alors ça fait écho à l'Empire contre-attaque, et en plus, c'est là, logique. Ça se tient. Donc le premier ordre se cache. Moi, j'ai pas. Bien sûr, pour moi, c'est une menace qui grandit. C'est pas une puissance, comment dire. Mais c'est. Oui. Là, ça, je suis d'accord avec toi, Clément. Pour le moment. J'espère, sinon, c'est nul, en fait. Ils font des énormes démonstrations de force, là. Justement. Des planètes. Oh là, je vois qu'il envoie du pâté. Vas-y. Bah, je sais pas, moi j'avais pas l'impression. Moi, j'avais pas l'image d'une organisation qui se cache en voyant le premier ordre. Alors, c'est mal dit parce que. Bah, ouais, je trouve c'est mal parce dit. Que l'Empire est mort et c'est écrit dans le texte au début, c'est né des cendres de l'Empire. Donc, c'est pas l'Empire. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, politiquement, c'est pas très clair du et tout. Et bah, j'espère qu'on va en savoir un peu plus. Et là, ce gag est très drôle. Voilà, on a tous kiffé le I'm in charge. Mon coloc qu'on a parlé ce matin. Phasma, parlons deux secondes de Phasma, donc de cette femme en armure ce personnage. Dorée. Argenté plutôt. Apparemment argenté, ouais. Donc apparemment ça a beaucoup parlé avant le film. Moi j'ai pas trop suivi ça parce que c'est une actrice de Game of Thrones qui joue Gwendoline Christie qui joue bizarrement une femme en armure dans Game of Thrones. Ça j'ai trouvé ça. Donc là forcément au début je trouvais que c'était une vanne. Quand on m'a dit c'est elle, j'ai fait ah c'est marrant. Elle est très grande, elle a une armure. C'est la même. Non, les gars, non. C'est nul, hein, on est d'accord. C'est pas terrible. C'est très très moisi. Et son perso est nul, quoi. Son personnage, et alors, soit elle a beaucoup de choses qui ont été coupées au montage. Il paraît que c'est ça. Ouais. Ce qui est possible. Soit c'est mal écrit. Enfin, voilà, il y a énormément de problèmes avec ce personnage qui est, de par son aspect visuel, qui est un peu mis en avant, quoi. Et qui n'est pas du tout utilisé. C'est très très dommage. Donc, Captain Phasma, apparemment. Peut-être qu'on la reverra parce qu'elle finit dans un compacteur à ordures apparemment et on le sait depuis l'épisode 4. C'est pas infaillible. Dans les compacteurs à ordures, tu peux survivre. Moi, je trouve vraiment. Ouais, j'ai peur qu'il soit juste là pour vendre des jouets, ce personnage. Bah, clairement. C'est ça qui est un peu emmerdant. David, tout comme le bras de. Moi, je faisais des recherches cet après-midi de noms de personnages pour préparer ce podcast et je me rendais compte que chaque personnage, même que tu voyais un plan, avait son jouet. Quoi. Ouais. C'était incroyable. Ah, mais évidemment, mais t'as pas idée du nombre de figurants, mec, qui ont leur figurine. C'est comme j'ai vu la figurine. De Oncle Owen, justement, où c'est un squelette calciné. C'est un fake. Trop drôle. Ils sont allés plus loin avec des cendres. Ouais. C'est bon, Oncle Owen. Les deux, moi, il y a un tas de cendres avec les deux. Enfin, c'est. C'est de très mauvais goût. Très très mauvais goût. Donc là, Po arrive, le bouclier de la planète de la Starkiller. L'étoile noire. Une idée quand même assez peu inspirée. Faut quand même le reconnaître. Donc ils ont enlevé le bouclier bah, là, et donc les 10 X-Wing peuvent attaquer. Les 10, c'est vrai qu'ils sont pas plus. Là, si vous voulez pas qu'on dise que ça ressemble à au nouveau par espoir, c'est raté. Ça ressemble un peu là. Ce genre là, de scène trop loin. Ce genre de scène où il se passe rien mais c'est juste des points de vue de pilotes qui se communiquent entre eux pendant une bataille, c'était obligatoire même oui, s'il se passe rien. Voilà. Non mais juste le préciser quoi. Parce que c'est souvent une critique qu'on dit oui ils attaquent mais par contre c'est vrai ils attaquent l'étoile noire bordel c'est pareil merde et la tranchée c'est abusé la tranchée ils ont poussé le vice jusqu'à fond de cette tranchée la tranchée après ça va pas qu'ils aient fait une attaque en piqué comme ça même si la caméra bouge à mon sens beaucoup trop pourquoi pas mais pas à ce point pas est-ce qu'on explique enfin les plans sont les mêmes quoi on explique il faut que les plans soient les mêmes ah bon bah alors mais on vient de un Star Wars je voulais dire ce soir un Star Wars de film comme un Star Wars ça peut pas être filmé comme Là, regarde, là c'est le plan du retour du Jedi, là, ce plan-là. C'est pas le même. Qui arrive dans la gueule. Oui, mais c'est le plan également dans Menace Fantôme. C'est le plan dans, j'imagine, dans Red Tails, un film produit par George Lucas. Oui, mais tout cela font référence au plan de Retour du Jedi, qui était le plan qui avait nécessité le plus de travail de post-production. Tu sais, parce qu'ils avaient plus de calques. Il y a 7000 éléments, je crois, ou un truc comme ça. C'est là où il y avait le plus de vaisseaux. C'est la première fois au monde qu'ils faisaient ça. Et donc, ils reprennent ce plan. C'est un plan qui est. Ouais, mais si ces plans, c'est les plans cadeaux. Il est faux. Il est faux dans Star Wars, je suis désolé. Comme le plan des étoiles au moment du passage en vitesse lumière, tu vois, c'est des plans indispensables. Comme le générique des débuts, en fait. Bah oui. D'accord. Bah qui est encore plus indispensable. Non, mais là, c'est pas du tout gênant, c'est juste que ce qui est gênant, c'est la Starkiller et le fait que ce soit pareil. Voilà, l'idée même de la Starkiller qui le fait qu'elle s'échappe à l'intérieur. Alors, ça, chose très bien, elle s'est échappée toute seule. Oui, alors voilà, bon, bravo. Elle est indépendante, c'est cool. Elle a sauvé pour rien, en fait. Ouais, bon, ouais, elle est contente quand même de les voir. C'est pas pour rien, c'est pour elle va lui faire un solo face son acte. Ouais, puis elle va lui faire un gros hug, elle est contente, mais voilà, elle s'est évadée toute seule, c'est la classe quoi. Elle apprécie l'idée. Elle est géniale, vivrai. Beaucoup de respect. Fan club de rêve. Et l'intrigue amoureuse continue entre les deux. Mais bah, ouais, mais c'est pas. Ça, l'intrigue est bien faite, amoureuse. Entre les deux, c'est bien appuyé. C'est bien mené. C'est deux inadaptés à la vie sentimentale. C'est bien fait. C'est pas le dragueur et la princesse comme Leia et Han, quoi. Là, c'est deux inadaptés, quoi. Ouais, et Chewbacca qui vient de rendre sa veste à Yann pour pas qu'il ait froid. Je trouve ça génial. Ouais, le coup de la veste, c'est marrant. C'est un running gag, ouais. Donc là, les X-Wing qui est toujours en train de se bagarre avec des pilotes au visage très diversifié, contrairement aux autres épisodes. Oui, c'est vrai. Il y a des femmes, il y a des aliens, il y a plus de rebelles, alias, tout simplement. Et donc on attaque la base de Kylo Ren. Donc totalement l'improvisation totale dans le plan. Bah tiens, on va les aider. On a l'explosif dans le sac à dos. On va les aider. Ouais, ça c'est chiant. Il y avait une figurante avec la coupe de Leia. Ouais, c'est ce que je viens de remarquer. C'est cool ça. Elle a les fameux macarons. Sarkat est d'accord. Sarkat. Dark Cat. Je vais aller ouvrir la porte. Ah, il y avait le même plan avec la porte qui s'ouvre et Anne qui tient. C'est comme l'étoile noire, tout simplement. On change même dans le retour du Jedi, ils attaquent là-bas sur la planète. Ah oui, sur Endor. Effectivement. Et c'est ouais, mais ces portes, en même temps, tu vois, la forme de l'architecture des décors doivent être les mêmes. On l'a déjà dit. C'est exactement tout. Théorie des portes, par contre, on n'a pas parlé de la théorie des portes. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez qu'on a des théories sur les portes. Les portes sont extrêmement bien utilisées dans ce Star Wars. Et nous voici là, c'est le décor à la fameuse scène. Bon. C'est le décor, on se dit. Il va se passer un drame. Ouais, c'est le décor du drame. C'est le décor de l'Empire contre-attaque. Je sais plus qui disait sur internet, mais les personnages de Star Wars doivent le savoir. Quand on arrive sur une passerelle, ça pue. Ça pue les passerelles. Il n'était pas là aussi, Han Solo. Il pouvait pas savoir. Il pouvait pas savoir, effectivement. Mais nous, on sait en tant que spectateur. Que les passerelles, ça pue. Ouais, là, ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon, surtout que là, la musique, il me semble s'arrête. Il y a que le son. Nous, on n'a pas la musique. On entend les boum, boum, boum de Chewie qui fait au moins 300 kilos. Et quand la musique s'arrête. C'est pas bon. La musique excellente de John Williams, on l'a noté. Ouais. Très très bonne bande son, comme d'hab, comme très souvent. Très souvent, pas comme d'hab, pour le coup. Comme très souvent, voilà. John Williams, respect absolu, mais pas toujours. Parfois, il se répète. Mais il reprend pas mal de vieux thèmes, quand même, dans cette BO. Oui, parce qu'il fait un remake, je te rappelle. Bah, oui, mais c'est extrêmement bien fait. Il y a quelques nouveaux thèmes très très bons. Les thèmes des nouveaux personnages s'imposent vachement bien. Et par moments, dans les scènes épiques, ça sent le bon vieux Indiana Jones. Ça, vous allez kiffer, les gars. Si vous écoutez la BO seul, du coup, vous vous rendrez compte qu'il y a des petites allusions. Sympa, t'as renversé ton verre, Riley, comme d'habitude, non, c'est non, rigolo. Non. Allez, que la force soit avec toi, on continue. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Oh, regarde, elle porte le gilet de peau. Ah, je vais crever. Elle porte le gilet de peau, j'avais pas vu. Ray parce qu'elle a froid. Un gilet de peau, c'est un gilet de peau. C'est de la peau de, de chouille. Non, de, la veste de peau que peau, Finn, que Finn lui a donnée. Oui, c'est la veste de Finn en fait. Mais du coup, parce que ça, c'est une autre théorie que j'ai. Le triangle amoureux va se poursuivre dans les autres épisodes entre Po. Ah, Po va mettre son nez là-dedans là. Je pense. Avec la petite raie. C'est tu vois c'est un rebelle. Ah, ça serait pas mal. Ah, on aimerait bien. Un pilote aguerri. Bref. Oui. Il y a moyen, triangle amoureux qu'ils ont pas réussi à faire avec Luke, Han et Leia. C'est bon. Ouais. Ce ne sont pas les droïdes que. Que je me rappelle, Luke est le frère de Leia. Mais c'était prévu qu'il y ait un triangle amoureux entre Luke, Han et Leia. Exactement. Et alors la priorité directe. On vient d'apprendre le nom de Kylo Ren qui s'appelle Ben. Ah oui, c'est qui Ben Solo. Voilà, en fait, Ben Kylo Ren est un mélange de plein de personnages de l'univers étendu à la base. En hommage à Ben Kenobi, on est d'accord. Oui, bien sûr, mais dans l'univers étendu, au début, Yann et Leia avaient deux enfants, Jason et Jenna, et effectivement, le fils de Han Solo qui s'appelait Jensen passe du côté obscur. Et Ben, c'est le fils de Luke, Ben Skywalker. Et là, du coup, ils ont fait un mélange des deux personnages. Ouais. Voilà. Donc, parce que dès le départ, ils ont annoncé ça. Pardon. Ça, c'est l'univers étendu avant Disney. Du coup. Mais oui, donc, l'univers était censé être effacé. Qui ont été reniés pour le coup. Bah, c'est pas renié en fait. Ils c'est une histoire compliquée. Parce qu'avec cette suite, on oublie toutes les suites qu'il y avait eu par écrit. Ah oui, bah, ils ont fait officiellement. Oui. C'est bien. Ah, encore un film. Les îles de Timothy Zahn sont oubliées. D'accord, on les oublie. Un héritage détruit. C'est dommage. C'était très bon. Ça fait chier. Ouais, mais regarde, ils ont gardé des éléments comme les enfants de Yann et Leia à travers donc Kylo Ren et il faut pas aller sur cette passerelle Harrison Yor. Il va pas. C'est vraiment parce que Saruman qui n'a pas vu le film arrive pile à ce moment. T'arrives au moment là où tu dois spoiler. Tu n'as pas vu le film. Bon bref, c'est pas grave. Tu devrais pas regarder. Ne regarde pas. C'est pas ce moment-là qu'il faut regarder. Alors du coup, une confrontation entre le père et le fils où Kylo Ren développe encore plus ses faiblesses parce que là, il est face à ce qu'il veut pas être quoi. Et ce que Yann Solo refuse. Ouais. Son fils est toujours là, comme Dark Vador, comme Anakin était toujours après, présent. Après, oui, on est d'accord, c'est très bien. Bon, Han Solo connaît l'existence de Snoke, de Supreme Leader. Faut tuer le père, tout ça. Ouais, bon, ça va d'accord. Un peu. On peut parler de drame. Sauf que c'est Han Solo, quoi. Han Solo méritait une mort un peu plus spectaculaire. Bah, elle est très bien cette mort. Il aurait dû mourir à bord du Faucon Millennium. Elle est moisie cette mort. Elle est moisie. On sait. Je suis pas d'accord. Dès le moment où cette scène commence, on sait qu'il va mourir. Ah, c'est sûr. Il y a aucun suspense. On fait durer cette scène beaucoup trop longtemps. C'est loupé. Pour moi, c'est loupé. C'est la scène dommage du film. On n'y croit pas une seule seconde. On sait que le type va rester dans le côté sombre, que son père va pas le convaincre. Bah, c'est le premier film quoi. Il le joue super mal. En plus, j'ai pas. Je peux goûter ça. Même moi qui est convaincu, il arrivera pas à me convaincre. Je suis désolé. Je suis très très colère après le saccage qui est fait du personnage de Han Solo dans ce film et dans cette scène en particulier. Saccage, t'y vas fort. Ouais, il fallait qu'il y ait une figure paternelle qui meure dans cet épisode, on est d'accord. Bon, là, le fait que ça soit Han Solo, c'est cool parce que le personnage est écrit comme ça dès le retour du Jedi, il devait mourir de toute façon. Et qu'on fasse ça mieux, qu'on fasse un combat, qu'on fasse un truc, qu'on Mais non, regarde, attends, là. Qu'on fasse du suspense, il y a zéro suspense. Mais il y a zéro. Si, il y a du zéro. Y a qu'une... Parce que là, justement, à ce moment-là précis, quand Ben hésite à rendre son sabre à son père, où il y a du suspense, et là, c'est une scène d'opéra. On est carrément dans la. Il n'y a pas une. Pourquoi vous marrez ? Vous voulez forcément un combat ? Non, mais je connais suffisamment pour savoir que cette scène, c'est ce qui compte, c'est la dramaturgie, la tristesse. Bon, t'as la lumière qui est pas mal, la lumière. Je vous rappelle qu'au même moment, il y a le soleil qui est en train de s'éteindre et le soleil qui s'éteint et met un petit peu fin à l'espoir de lumière dans le futur de Kylo Ren et la lumière qui éclairait jusqu'à présent ce duo disparaît et c'est à ce moment-là que Kylo Ren fait marche arrière et retourne vers le côté obscur met en route son sabre laser. C'est pas chier à la bouffe qui aurait fait ça pour tuer son père qui joue pas très très bien, qui joue super mal. Ce plan est quand même quand il tombe c'est cool, ça c'est bien. Ouais. Si oui, parce que c'est Han Solo. Évidemment, là t'as ton enfance qui s'en va dans un trou là, dans un puits. Tout ce qui est avant, et Léa le sang. Et Luke le sang aussi. Léa sûrement. maîtrise la force. Bah oui. Et c'est pas exploité. C'est pas du tout exploité. Alors que c'était dit dans le Retour du Jedi. Et c'était exploité il un peu. Transmettre dans les bouquins de Timothy Zahn. Ouais. Elle utilise la force dans les bouquins de Timothy Zahn. Enfin, on sait qu'elle s'exerce. Ouais. Elle s'exerce à la force. Dans les comics aussi, elle, c'est une Jedi. Voilà, Chewbacca qui s'énerve, c'est excellent. Et Chewbacca qui tire sur Kylo Ren. Ça sera très important pour la suite. Il sera blessé toute la fin du film. Bah oui, faut un peu qu'il. C'est pas comme il a tué son père, d'habitude, ils sont blessés. Ouais, mais justement, ça m'étonne, Sartman, que tu pointes pas ça plus du doigt, parce que pour le coup, il fait une étape, il passe une étape déterminante dans sa formation de reine, c'est qu'il tue, il tue son père, et ah, c'était l'épreuve la plus dure que Snoke lui avait annoncé au début. Ouais. Ah non, mais ça c'est très bien, c'est juste la manière dont ça a été fait cette scène. Moi, ouais, mais c'est pour ça, c'est ça qui m'embête. Le fait qu'il tue son père, ouais, carrément, qu'il tue Han Solo, carrément, qu'Han Solo. Et Amine, ce que j'aurais préféré, c'est qu'Han Solo se sacrifie pour son enfant en sachant. Et là, il y va bêtement, naïvement. Enfin, c'est Han Solo. Il quoi. Essaye de. D'accord, de okay. Le mec, il a embobiné tout l'univers. Mais et là, il se fait avoir par un débile. Nous, tout le monde entier sait qu'il va mourir. Et le monde entier, non, c'est faux. Il le voit pas venir. C'est faux, le monde entier, non. C'est sûr qu'il y a des gens qui étaient pas au courant ce soir. Cette scène m'énerve. Bah, fallait pas regarder le podcast. Donc là, on se retrouve dans la neige, tiens. Faut surtout pas leur dire. Bon, là, on arrive. Ouais, c'est intéressant parce que ça fait, cool. Ça fait ouais. écho. Avec les fameuses épées. À ce qu'on a vu dans le rêve, dans la cave de base. Donc à ce moment-là, c'est. Deux contre un. C'est deux contre un et c'est surtout. Ils sont cousins-cousines ou pas là? C'est fine. Cousins-cousines. Bah, symboliquement, oui, alors après, on verra par la suite. Mais alors, là, pourquoi il se tape sur la poitrine comme si Rey est vraiment la fille du Luke ou pas. Répondez-moi tout de suite. On retrouve Finn, et c'est Finn qui a le sabre à ce moment-là, parce que je vous rappelle que oui. Rey a refusé l'appel pour l'instant, ouais. Et n'a pas voulu prendre le sabre, donc c'est Finn qui s'y colle. Et Finn, va prendre très cher. Ouais, il va prendre très cher. Et pourquoi Kylo Ren se frappe la plaie Il se frappe la plaie de Chewbacca. Et... Il veut battre le mal par la douleur. Exactement, il apprend dans la souffrance. Donc, l'adrénaline. C'est comme ça. Il est chez les méchants, hein, il est chez les nazis. Donc il faut qu'il ait mal. Ouais, et ça le caractérise, complètement ce personnage, donc c'est vachement cool. Bim. Et combat et il, final. Il peut prendre aussi cette blessure comme sa récompense, comme Philippe, le trophée. Bien sûr. Il a tué son père et il a cette blessure qui. Ah ouais, le trophée. Donc il l'appuie, ouais, ouais. Ça se défend, non, ça a du sens, ça a carrément du sens. Là, il est content parce que on l'avait vu, il doutait du chemin qu'il devait prendre. Là, bon, il a choisi le chemin des méchants, mais pour lui, c'est clair maintenant. Là, on va comprendre pourquoi la garde de l'épée et laser, c'est uniquement pour ça. Et ça sert à quelque chose, ça sert à blesser Finn. Ouais. C'était sûr, c'était sûr. Bah, ouais. Fallait l'utiliser ce truc, ouais. Donc les deux petits bouts laser, la garde, médiévale, comme une épée de l'époque médiévale. Ça sert à cramer l'épaule de Finn. Hop là, le sabre se plante. Exactement, comme dans Empire contre-attaque. Ça devient génial là. Ouais, non, moi ça m'a fait chier qu'il se lors des shows. Ray, il arrive. Kylo Ren essaye de récupérer son sabre, mais il se passe un truc. Il se passe un truc. Le sabre de Luke. Le sabre qui lui revient pour. Bah, il revient pour lui, c'est lui l'héritier. Là, je mets du son. C'est lui l'héritier. On avait du son depuis tout à l'heure. Ouais, il a coupé le son. Mais c'est pour enregistrer, on a pas mis de son. Ah, mais même un peu. Et là, c'est génial. Là, c'est le meilleur moment du film. Elle récupère son sabre. Elle va le mettre en route, putain, c'est génial. Et lui, il est dégoûté parce qu'il n'est pas l'héritier. Et là, Skywalker. Voilà. En fait, c'est elle l'héritier. Putain, et c'est voilà. Génial. Ça, c'est cool. Et là, elle a son sabre, elle va lui poter le cul. Putain, ça va être chaud. Super moment, après tout le reste, on s'en fout. Ouais, alors, non, justement, on s'en fout pas tellement parce que le film est terminé. Là, on est là, on kiffe et tout, mais le trois quarts des gens sont d'accord pour dire qu'elle. Elle manie le sabre quand même super bien pour une novice quoi. Non, ça fait chier, je suis désolé. C'est dommage. Elle aurait dû s'entraîner avant comme Luke, même si c'est pendant 5 minutes. Bah, c'est se battre au bâton déjà. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Le bâton justifie le fait qu'elle se. Elle sait se battre. Ouais, si dans le village elle a pété la gueule au gars et tout. Elle a pas pété. Oui, si. Elle s'est débrouillée avec un bâton, effectivement. Bah, depuis le début, on sous-entend qu'elle maîtrise la force naturellement, l'a vu. Non, c'est pas choquant. Et l'autre est blessé en plus. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui font que ça. C'est pas mal, mais tout remettre sur la force, je trouve que c'est une facilité scénaristique. Ouais, le côté télékinésie, elle a jamais vu personne s'en servir. Non, elle a jamais vu. On lui a même. Mais elle lui a pas dit. D'instinct qu'elle le fait. Ouais. C'est parce qu'elle voit après son combat, après Kylo Ren. Ouais, mais il aurait fallu qu'on la voit plutôt dans la scène, ouais, en train d'essayer de le faire pendant le combat. Je sais pas. Elle a vu Kylo Ren sur la planète de base. Le faire. La bloquer. Ouais. La tout ça. Ouais, contrôler. La planète de base. Enfin, ouais. Voilà. Non, non, mais... Si vous savez dans les commentaires, dites-nous le nom de cette planète, hein, ça nous on s'en fout, c'était une scène géniale. Rey est enfin révélée, Rey est Rey. Elle maîtrise la force. Elle va devenir une vraie Jedi et putain ça va être génial quoi. Vivement la suite. 8, ouais. Et bon là en attendant Po est dans la tranchée hein, tel un Luke Skywalker d'épisode 4. De la bonne époque, ou un Wedge. C'est un remake. Wedge à la fin. Wedge. Là il se prend pas trop la tête. Ouais, Wedge qui suit le faucon. Ouais. Ouais c'est vrai que ça fait un peu penser. Ils arrivent dans une salle et ils pètent tout. Comme dans la menace fantôme, comme dans l'entre Jedi, toujours, hein. Comme dans tous les films Star Wars. Et donc ils explosent la base. C'est dommage. Non, ça fait chier. Mais en fait, on dira ça à chaque fois, ça se trouve. Ça se trouve, toutes les suites qu'ils vont faire vont être des remakes. Je pense que justement, ils vont s'éloigner à partir du 8. Ils ont fait exprès pour celui-là et après qu'ils vont. Pour moi, c'est. Moi, je demande que ça. Hein. Bah, il faut. Hein. Il faut s'éloigner, les gars. Sinon, ils vont se fâcher. Parce que là, les meilleurs trucs dans ce film, c'est les trucs nouveaux. Hein. Mmh. C'est pas le remake. Le remake, on connaît déjà. Bah oui. Faut pas essayer de faire pareil. C'est pas que c'est un remake, mais. Beau combat de la neige. Mais alors là, il envoie pas. Là, regardez, cette branche qui se casse la gueule, ça me rappelle rien. C'est le tuyau dans l'Empire contre-attaque. Ah ouais. Ah, c'est pas bête. Ouais, mais il y a pas que ça. À un moment, Dark Maul, il joue avec les éléments aussi. Il chope une boîte et il ouvre une. Tu vois, il y a pas que. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais ça, c'est cool. C'est ce que je dis. C'est du fan service, mais subtil. Mais là, il est bien utilisé. Voilà. Ouais, carrément. Il est pas juste gratuit. Ouais, tu vois, le fait que le sabre touche la neige et qu'il y ait une réaction, bah ça, pour le coup, ça fait plaisir. Il y avait ça aussi dans les Tartakovsky dans les Clone Wars de Tartakovsky. Avec la pluie, il y avait des utilisations du sabre assez intelligentes. Et là, c'est bien amené. Et là, donc, on arrive au moment de vérité où Rey va se. La terre s'effondre autour d'eux. Ah, c'est le combat. Voilà. Sommet. Et c'est le moment où elle met ses torpilles à protons dans le noir. Ça vous rappelle pas Buffy à la fin de Becoming partout? Exactement. Bien sûr. Si, plus rien, plus d'espoir, ouais. Plus d'amis. Elle arrête l'épée de Angel à la main. Il reste moi, ouais, mec. Ouais. Mais là, c'est pour le coup, ce qui est dommage, c'est que là, elle ferme les yeux, elle est plus du tout. Enfin, je comprends pas. Là, il aurait dû ralentir l'image, comme dans Animatrix à un moment. Bah, si, parce que comment ça se fait que. Kylo Ren n'est pas frappé pendant tout ce temps. Oui, c'est dommage. Je pense que non, mais la fraction de seconde décisive aurait dû être plus filmée plus subtilement avec une caméra qui filme au ralenti. Je sais pas. Et là, elle se vénère et elle prend le dessus. J'ai cru qu'il allait se faire couper la main, Kylo Ren, à ce moment. Ah ou bah il se prend un coup dans la main justement. Il mérite pas de se faire couper la main. Bah ouais, se faire couper la main, c'est les mecs. Aller dans le fan service. Aller dans le fan service, ils auraient dû lui couper la main. Il se fera couper la main dans l'épisode 8. Mais oui, il se fait balafrer. Il se fera une belle balafre. Bien sûr, c'est évident. Ou c'était Rey qui se fera couper la main. Ou Chewbacca. Ou R2. Chewbacca, il va rendre le super important. Chewbacca va devenir le nouveau maître Jedi, on est d'accord. Vous m'avez répondu tout à l'heure, c'est le même acteur qui fait Chewbacca. Oui, c'est Peter Mayhew. Sauf pour les cascades, oui, parce que il y a énormément de cascades avec Chewbacca. Mais non, mais parce que quand tu dois courir et tout, c'est plus Peter. Sous la scène où il se fait raser la tête, la scène post-générique où il se fait couper, je crois. Oula, alors là, il vient de se prendre une cicatrice. Il se fait balafrer. Une balafre qu'il va garder pendant toute la trilogie. Ce qui est plutôt cool, elle est bien placée en plus, je trouve. J'ai mal, c'est Albator. Albator de plus en plus. C'est même c'est Albator. Le premier point du film, c'était Albator. Effectivement, alors là. En fait, c'est un préquel d'Albator. Là, scénaristiquement, c'est facile. Bah oui, bon, ça c'est pas très grave. Il y a des gens qui s'en vont dans le screener, tiens. Ils en ont marre, là. Les gens qui passent devant la caméra. Ils se sont dit la même chose que toi, là. Non, ça fait chier. Ça fait chier. La terre qui s'écroule entre les deux. Mais attends. Non, bah oui, ça fait chier. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Allez. Starkiller détruite, là. Et c'est avec ça tient avec tout ce que je dis depuis le début, ce n'est que hélas que le premier épisode d'une trilogie et c'est dommage, film se tient pas dans lui-même quoi. Bah oui, c'est dommage. Ouais, c'est très dommage. Moi, c'est pas du tout un problème pour moi. Moi j'aime bien aller voir des films aussi, j'aime pas aller voir des trilogies. Tu vas avoir une trilogie mec, c'est ça l'idée là. Tu vas voir l'épisode 7, 8 et 9. À ce moment-là, sort une trilogie, sort les trois en même temps. À ce moment-là. Bah c'est un peu ce qu'ils font, je sais qu'ils sont en train de tourner le 2 là, ils sont en train de Snoke dit que Kylo Ren va terminer sa formation. Il a pas fini sa formation. Donc ce qui justifie le fait qu'il soit moyen au niveau du combat. Parce qu'il a pas, il est pas Padawan, mais il est pas encore Sith. Il est même pas Sith d'ailleurs, il est Ren. Il est parce que Ren, faut le dire ça, c'est un. Je crois que tu savais. Les Sith, c'est pas Ren. Kylo Ren, il est pas Sith. Il est chef des chevaliers Ren, il le dit à un moment. Donc Ren, c'est un niveau dans les Jedi. Non, c'est une autre version de Sith. Je pense que c'est une alternative. Une autre école du côté une obscur. Une doctrine. C'est qu'il a pas les yeux rouges et le judo, quoi. Exactement, mais c'est du côté obscur. Il a pas les yeux rouges, c'est pas un Sith quoi. Donc c'est un Sith ou pas? Bah non, c'est un Ren. Ah oui, il connaît le maîtrise de le côté obscur, mais c'est pas un Sith. Elle le dit, il est Sith, l'Empire et le First Order. Oui. Ouais, mais elle parle pas des Ren. Bah non, mais les Ren, c'est les Sith du First Order. Les Sith de l'Empire. Il y avait les Sith et l'Empire, et le First Order et les Ren. Voilà, mais ah on va oui. savoir ça dans l'épisode 8. Ah bah si, ouais. Non, mais ça fait beaucoup de choses qu'on doit savoir dans l'épisode 8. Ah ouais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, ce ça, podcast n'a aucun série, sens. C'est une série. Il faut voir les 3 avant de parler. D'accord. Mais on fera le prochain. On fera, bah oui, on fera Rogue One. On sera bien de faire la femme de Luke Skywalker. On essaiera de le faire dans un cinéma. On essaye de faire ça. On va dans un cinéma. C'est indiscret. On parle comme ça, c'est juste là. Et on parle comme ça. Hop, un plan dédicace à l'épisode 4. Bah oui, la planète dégueulasse. La planète dégueulasse. En neige devient un soleil. Voilà, la lumière apparaît dans l'univers. C'est beau. C'est toute l'énergie accumulée par la Starkiller. Mais voilà, qui devient Starkiller devient un soleil. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc Boyega Finn a pris cher et est mal. Rey sous choc. Yeah, Rey sous choc. Ben, Chewbacca un peu, ça un va. Peu perdu. Et là voilà, alors il y a un truc que je comprends pas, Léa... c'est ce plan. Ouais. Ce plan regarde. Ouais. Ce plan est bizarre. Chewbacca et Leia s'ignorent alors que Yann est mort. Bah parce que je ne comprends pas. Il y a un plan qui a été tourné Rey... qui a été ouais, ils ont coupé au montage. Enfin, c'est évident. Eh oui, mais alors vous êtes bien gentil mais il n'y est pas. Ouais, bah, je suis d'accord. Eh ben c'est chiant. Et pareil, Rey et Leia ils se connaissent donc. C'est cool que Rey et Tata Leia. C'est sa tante, tu penses? Ouais, c'est ma théorie. Enfin, ou moi sa tante t'a volé, symbolique, mais on s'en fout. La fille de Luke. Elles aillent dans les bras l'une de l'autre, mais. On aurait voulu voir Chewbacca et Leia, quoi. Non, mais, oui. Mais qu'on comprenne que c'est là. Pas qu'on aurait voulu, il aurait dû avoir ce plan. Et Chewie, oui, Chewie doit être dans l'histoire. Ah, mais Chewie, surtout qu'il fait fou, des câlins aux gens qu'il aime bien. En espérant qu'il y ait un film. Alors voilà, ce plan est bien, même s'il est un peu facile. Mais et là, alors là, on arrive à un truc du film. On arrive. Le réveil de RD2. What the fuck à. C'est le réveil de la force. BB8, réveil RD2. C'est le réveil de la force. Ouais, ça c'est. Il est 7h30. Réveille-toi à la force. C'est le pire moment, je pense. C'est là où on regrette de plus être des gosses, les gars. Ouais. Parce que non, mais attendez, mettez-vous du point de vue de gosses qui vont découvrir le réveil de la force. C'est donc, important. Donc R2D2 se réveille. R2D2, pour ceux qui pour tous les gosses qui ont R2D2 en réveil sur leur table de nuit. Et tu sais que ça existe. Et il y a même des lampes R2D2 qui vont se mettre au mur. Et ça fait comme si R2D2 il sortait du mur. J'ai vu ça l'autre fois. Bah, non, c'est l'heure qui est un coucou R2D2. J'ai failli l'acheter. Moi aussi. Mais attends, mais ce réveil est génial. Et t'as des stickers pour faire comme si c'était craquelé autour de ton mur, comme s'il sortait vraiment du mur. Donc là, il manquait un petit bout de plan. Hein. Voilà, tout petit bout de plan. En fait, ils auraient pu trouver la position de Luke, mais bon. On peut considérer que ce film est un peu truffé de petites faiblesses scénaristiques. Et là, c'en est une, quoi. Ah, parce que on les a révélés. Oui, tu crois? Il manquait juste un petit bout. Bon, là, c'était la Bretagne. Là, en plus, c'est tout le monde même. Attends, mais non, mais tu vas trop vite. C'est pas en Bretagne qu'ils vont. Attends. Voilà. L'image est belle. La nouvelle trilogie qui pactise avec l'ancienne trilogie. Voilà. Le symbole il est fort, mais scénaristiquement c'est moyen parce que forcément qu'il manquait un trou dans cette putain de carte. Et pourquoi R2 se réveille maintenant? Alors parce que l'explication la Rey plus a changé logique, de costume enfin. Mais l'explication la plus logique c'est que il se réveille parce que Rey est là. La seule différence entre les autres moments. Il se réveille parce que Anne est mort peut-être. Non. Anne est mort. Non. Mais Rey est arrivé à côté de lui. BB8 est arrivé à côté de lui. Mais non, BB8 était déjà à côté de lui quand il était en veille tout à l'heure. Ah mais il est revenu. Non, il était dans la bataille BB-8. Mais bon, vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on saura dans l'épisode 8. Ou dans le prochain comics. Ou dans le prochain jeu vidéo. Attendez, vous vous souvenez de ce plan où Luke Skywalker met sa main sur R2, il y a un lien entre eux qui les unit. Mais pourquoi on est. Dans les autres films, on l'a pas vu quoi. On verra. Donc Rey hérite du faucon, donc, avec Chewie. Voilà. Et là, il y a un petit côté Padmé dans sa. Bah, tout le monde. Enfin, de toute façon. Padmé et Leia sont liés à fond les ballons. Oui. Un peu, oui. Quand Leia dit à Anne, il y a du bien en lui en parlant de Kylo Ren, c'est clairement la réplique de Padmé pour Anakin à Obi-Wan Kenobi. Enfin, ouais, ces deux personnages sont bien. Et ça, du coup, sont bien liés entre la prélogie et la trilogie. Et maintenant, ce film, on a deux personnages qui sont liés. En même temps, ça marche, vu que c'est la mère et la fille. Ça marche bien. Et donc le faucon qui part une nouvelle fois. Là, ce plan, c'est j'avais peur que ça s'arrête là au début. Oh la vache. C'est là, R2, 6PO, il a le bras, il a pas le bras rouge. Ça, c'est hyper typos. Non, il l'a repris. Mais il a repris son bras. Il a dit j'ai retrouvé mon bras. Ah oui. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais ça sera l'objet d'un Kinder Disney, vous inquiétez pas. Ils ont tourné des trucs en plus. C'est horrible. C'est scandaleux quand t'es à la tête d'un Star Wars de prévoir des scènes que t'as coupées au montage. C'est obligatoire que ces scènes quand t'es coupées au montage. Enfin, tu n'es pas capable de minuter correctement ton film que tu fais un Star Wars. Mais oui, c'est scandaleux. Si tu sais que tu as écrit 3h30, tu coupes des scènes avant de les tourner. Mais bien sûr, mais. Bref. Bon, là, il est pas content. Ils arrivent en Irlande. Ils arrivent en Bretagne. Alors, l'île de Bréa. en Irlande, parce que je vous rappelle qu'il y a une vidéo incroyable sur internet. Ah oui, la vidéo touriste touristique d'Irlande. Par l'office de tourisme de l'Irlande, et dans laquelle on voit cette île, l'île sur laquelle habite Luke Skywalker. Elle existe vraiment, c'est une vraie île où tu peux monter et tout. Il y a des c'est l'île Skywalker. Bah, ça va s'appeler comme ça maintenant. Ils vont faire le côté comme la Nouvelle-Zélande et le Seigneur des Anneaux. Et ben, c'est exactement ce que je me suis dit. Du coup, j'ai trop envie d'aller en Irlande. Bah, ouais, normal. Pour aller voir cette île et faire mon petit pèlerinage. Attends l'épisode 8 pour voir ce qui se passe dessus quand même. Bah, ils vont jouer au Monopoly, ça va être parce que là, on n'a pas vu la maison de Luke sur cette planète. Coup, je vais y aller maintenant, et comme ça, peut-être que je pourrais faire figurance sur l'épisode 8, qui va se passer totalement sur cette île. Bah, je crois. C'est déjà, ils sont, c'est déjà tourné, il me semble. Non, ils sont en train de tourner. Ouais, voilà. C'est peut-être déjà tourné d'ailleurs. Mais, si tu veux être figurant, c'est maintenant, ouais. Mais je pense qu'il n'y aura pas de figurant dans cette scène, à moins. Enfin, dans cette partie. Symbolique des marches, hein, il faut monter. Bah, je veux bien jouer à Caillou, je m'en fous. 313 marches. Donc ouais, Rey monte les marches de la gloire. C'est carrément la Bretagne, les gars. Je suis désolé. C'est l'Irlande, mais c'est pareil. Non, mais ça, c'est une vraie île. Hein. En Bretagne, bah, en Bretagne c'est... Mais tu rigoles, quoi, Bréa, c'est quoi? Ouais, non, attends. Ouais, bien sûr. Allez, on continue parce que attendez, quand j'étais petit, j'étais là. Le gars, il est après. Je voudrais qu'on observe quand même un moment de. Ah, c'est un bunker nazi, c'est ça? Pas de silence, mais au moins de. On va se. De respect pour le dernier plan du film. De respect pour la dernière séquence. Le dernier plan nul, mais on va pas parler du dernier plan. Mais là, c'est bien. On va juste parler de cette image, quand même, iconique. Ah ouais, mais non, mais je comptais la faire, je suis désolé, certain. Je vais juste noter un truc. Je m'en fous, je continue. Non, vas-y. C'est le plus grand héros de. Film avec Clément Skywalker, et avant le début du film, il y avait un énorme visuel du film, et il me fait avant le début du film, mais il manque quelqu'un sur ce visuel. Mais non, il arrive. Arrête Sartman, tu fais exprès ou quoi? Et moi j'avais déjà vu ce film, il me dit bah il y a pas Luke, et j'ai bah non, et alors? Et voilà, c'est bizarre qu'il y ait pas Luke, mais non, mais attends. Il est là, mais voilà. Et je pense comme on va revenir sur ce que tu dis, c'est une énorme connerie. Comme tous les fans, tout le monde s'attendait à voir Luke Skywalker dans ce film, mais on le voit. Et on le voit, mais on le voit. On le voit, on 10 secondes à la fin. Ouais. Voilà. Attends, ça c'est cool, ça aurait dû s'arrêter à ce plan-là, avec le sabre. Non. Il fallait qu'il. Non, il fallait pas qu'il se mette en circule. Ou celui-là. Ça, bof. Non, il fallait qu'il y ait un plan large entre les deux. Mais pourquoi? Parce que. Mais pas ce travail. Parce qu'il fallait qu'il. Là, top, tu t'arrêtes là. Tu fais. Non, il faut un plan large. Les Star Wars se finissent sur un plan large. Et voilà, oreille, c'est ça le problème. Là, regarde, dans son regard. Là, on sent toute la culpabilité. Mais attends, mais il a 2 secondes dans le film. Laisse-le jouer un petit peu. C'est Luke Skywalker, merde. Ce plan-là, il est pas bien. Ce plan est à chier, effectivement. Mais regarde l'iconisation du personnage. C'est Luke Skywalker. C'est pas une iconisation. Il est tout petit dans le plan. C'est nul. Oui, mais je te parle pas du plan. Je te dis qu'il était nul. Je te parle de. Bon, le film est terminé. Oh, mais j'attendais trop ce moment. Non, mais on est d'accord que, comme tu le dis, ça fait partie des codes de la saga. Les Star Wars doivent se terminer par un plan large. Après, ce plan large, il est moche. C'est très dommage. Oui, on aurait préféré que ça se termine sur un ciré de Rey qui avec quand attend le sabre. Mais oui, voilà, ça aurait été bien. Ou à la limite pas obligé de respecter cette règle du plan large. Mais oui, la règle du plan large fait qu'ils ont fini par un plan large. Est-ce que tu veux défendre ce plan large? Non, je l'ai indéfendable parce qu'en plus il est fait en hélicoptère. Ouais, il est flou, il est fait en hélicoptère. Il est moche. Drone, tu crois? Il est drone, fait en drone, effectivement. Non, je le défends pas. Je défends juste dans l'idée de voir l'ancienne trilogie et la nouvelle être ensemble dans un seul plan. Et que, oui, par tradition, on finit Star Wars sur un plan. Tradition, mais c'est ça le problème. Voilà, t'as un problème avec la tradition. Non, ils ont trop. Alors, le problème, alors mets-toi à la place de J.J. Abrams. Tu dois contenter tout le monde. Tu dois, et c'est ça peut-être le problème du film, c'est qu'il essaie de faire plaisir à tout le monde. On est d'accord. Bah ouais. Mais pour le coup, il y a des trucs, c'est comme le générique du début. Il y a des trucs, voilà, qu'on aimerait ne pas trop voir bouger, à savoir ce plan fixe à la fin, parce que à la rigueur, un travelling, j'aurais pas été contre. Mais là, le fait que ça soit effectivement un travelling en l'air, non, ça c'est chiant. Sobre. Ah oui. Voilà, donc pour répondre à certains, non, je le défends pas, mais je l'explique, quoi. Chewie, we're home. Alors, conclusion, messieurs, qu'avez-vous pensé de ce film? Moi, c'est bien, mais pas top. Moi, j'ai envie de te dire, réécoute le podcast. Tout en entier. Des scènes très cool, mais il y a des gros problèmes qui font que c'est dur à regarder. Des problèmes d'écriture. On se sent trahi, ouais. Le scénario est pas génial, quoi. Ils auraient pu bosser sérieux, quoi. Le contrat hommage est rempli, mais le l'innovation est peut-être pas encore là. Exactement, trop un reboot. Ils ont les seules scènes bien du film, c'est parce que c'est de l'original. c'est pas repompé de des films d'avant. Ah mais t'as, mais... Bah, du coup comme j'ai dit pareil, je suis là. Mais oui voilà, mais c'est ça. Bah, t'as raison, c'est le seul intérêt de ce film, c'est triste quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire en conclusion? Moi j'avais un truc à dire au niveau de la réal, de la direction artistique de J. Abrams, c'est vachement coloré tout le long du film et on avait ça dans les Star Trek, ça me gênait un petit peu. Là ça me gêne moins, mais quand même un peu. J'aimais bien dans les anciens Star Wars le côté épuré, alors je sais qu'il faut pas refaire, déjà que ça ressemble beaucoup aux anciens épisodes, cet excès de modernisme me gêne un peu. Trop moderne. Trop moderne dans les couleurs, tu veux dire? Enfin, visuellement, quoi, non, par moment, parce que c'est assez subtil. Déjà, il s'est calmé sur le flares, parce qu'il a peut-être compris le message au bout d'un moment. Bah, il en a fait quelques-uns. Il en a fait quelques-uns, parce que c'était en même temps, on les attendait. Non, mais ça, c'est une vanne, il fait pas tant de. C'est une vanne, man. Attends, si. Ouais, il en fait dans chaque film. Si, le premier Star Trek, mais c'est. Comme plein de réals, Spielberg fait aussi des flares. Ouais. Attends, mais oui, mais comment t'expliques que c'est devenu sa marque de fabrique à ce mec? Il le fait dans tous les films. Voilà, et là, il le fait moins. Il y a des journalistes qui ont dit, parce qu'il en abusait. Fait cette remarque, ouais. Voilà, non, mais là c'est pas choquant celui-là. Non, voilà, c'est pas choquant. Non, mais l'ensemble est pas choquant. Je trouve que c'est un film bien fait dans l'absolu. C'est quand même. On est content quoi. Enfin, moi voilà. Je suis sorti, j'étais content. Et t'as raison, c'est ça qu'il faut dire. C'est que ça fait quelques années qu'on est habitué à des blockbusters de merde, il faut le dire. On avait parlé des Avengers ici. Le premier Avengers, on avait trouvé ça pas mal parce qu'on défend Joss Whedon, ouais. On aime son travail et tout. Le deuxième était triste. Et toutes les saloperies de Marvel, c'est de la boue, c'est pas des bons films. C'est pas fini, hein. Et c'est pas fini. Et là, on avait peur que Disney nous salope notre Star Wars et tout. Ils ont pas fait un grand film. Ils ont pas fait une bouse. Et il faut le dire clairement, je pense. Cite-moi des blockbusters, des films attendus qui n'ont pas déçu. Oula. Dernièrement, il y en a pas. Par Mad Max, j'ai pas. Mais dernièrement, le cinéma, il y a un gros problème quand même. Donc. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir se satisfaire dessus. Depuis longtemps, d'ailleurs. Ne pas dire que c'est le meilleur film, le meilleur Star Wars de tous les temps. Ne pas dire que c'est une bouse. Ah ouais, arrêtez avec le cynisme. Juste savoir l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est bien, c'est un bon Star Wars, mais c'est pas un bon film. Donc vous attendez quoi de la suite? Arrêtez de toucher vos micros là. Vous attendez quoi? On attend l'information. L'épisode 8 et l'épisode 9. On attend l'information sur Dagobah. De Rey par Luke. En Bretagne, je crois que ça se passe en Bretagne. Bah, il me semble que ça se passe en Bretagne. Je suis allé le voir récemment. J'ai fait des photos en exclu. Je peux vous envoyer. T'as dormi là-bas, d'ailleurs. Hein. Ouais. Des photos de. J'ai discuté avec Marc. Il est sympa. Hein. J'ai croisé son sosie aujourd'hui. C'était très passionnant. D'ailleurs, est-ce que je vous ai raconté que Marc Amine m'avait fait une excellente vanne quand je l'ai croisé? Vous voulez que je me la raconte là? Non, vas-y, ouais. C'est une vanne sur des Ewoks. Qu'est-ce que font les Ewoks quand ils sont fatigués? Je sais pas. Mais il s'endort. C'est scandaleux. Arrête de toucher ton micro, c'est scandaleux. C'est sur cette superbe vanne. Moi, j'ai Cyril. Qu'on va se quitter. À moi, vous avez d'autres choses à dire? Ah ouais, je pense que bon, c'est le moment de se quitter. Je réponds à ta question. J'attends que Maz elle couche avec Chewbacca. Avec Chewie et qu'elle fasse des bébés. Non, j'attends tout simplement l'aboutissement de cette trilogie. Voilà. Parce que c'en est une. Donc on fera un podcast en 4-5 ans, quoi. Bah, du coup. Ils ont annoncé 24 films, un truc. 25. Ah oui. En vrai? Non, il y a un spin-off et un épisode, donc il y a au moins 5 films. Non, mais moi j'attends de voir des films. Il y a 4 films. S'il vous plaît, arrêtez de faire des trilogies, faites des films, quoi, c'est tout. Bah là, on te dit qu'il y en a 4. Bon, il y a une trilogie. Le Nouvel Espoir a été conçu comme un film indépendant. Bah oui, c'est pour ça. C'est un film, quoi. Merde. Bon, mettez-nous des commentaires, mettez-nous 5 étoiles. Attends. Ça tout le temps la fin. À nous mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est très important. ça nous prouve que des gens nous écoutent et qu'on n'est pas juste 3 débiles à parler dans le vide. On dirait bébé 8 qui parle. Et donc ouais, non, si vous voulez nous suivre, c'est du Facebook. Pourquoi Buffy, c'est génial. Du Twitter. Pourquoi Buffy. C'est du Instagram même. Oh, on n'a pas Instagrammé ce soir. Attends, fais-le maintenant. Attends, il y a de la chouffe. En direct. Donc on dit que le 8 sera réalisé par Rian Johnson qui a fait Looper, je crois, qui est un bon film. Arrêtez de toucher votre micro, ça s'entend, monsieur Raleigh. J'aurais fait ma phrase alors. Non, c'est bon, on a compris, mais t'es sûr que c'est lui, c'est pas celui qui a fait Lego. C'est lui qui a fait. S'il va faire Rogue One, pardon. Il a fait Lego. Le mec qui a fait Lego va faire Rogue One. Les deux mecs qui ont fait Lego, film, ils vont faire le film sur Han Solo, pardon. Ils vont pas sur faire Han Solo. Ouais. En Lego, du coup. Par Larry Kasdan. En Lego. C'est chaud. Bah, en même temps, ils ont tué le perso. Ils ont tué Harrison. Il est trop jeune. Il est obligé de le refaire. Et en Lego, c'est pas. Il est au paradis. C'est pas con comme idée. Bah, la vision est moins dure. Hein. Allez, fermez-la. Générique fin, c'est parti. On se retrouve. Ah, j'ai pas fini mes phrases. Bah, si, on avait tout dit. Quand est-ce qu'on fait un podcast Buffy? Suivez-nous sur les internets. Et si vous aimez Buffy, suivez-nous encore plus parce que généralement, on fait des des commentaires audio de Buffy. Et on va reprendre bien évidemment les commentaires audio de Buffy. On a plein de choses à dire. Et on continuera à faire des hors-séries parce que c'est cool les hors-séries quand même. C'est très cool les hors-séries. Ah oui, moi j'annonce déjà un hors-série sur un film assez mythique. Allez, gros bisous, à plus.